Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux, et quand tu crois que c'est fini, en fait, il y a encore l'acte 2. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Et je suis aussi avec Exerve. Hello. Alors messieurs, on se retrouve pour cet unique épisode de juillet, je vous le rappelle, voilà, Fin du Game est passé en mode vacances. Alors, c'est Fin du Game qui est passé en mode vacances, hein. Nous, on n'est pas tout à fait en mode vacances, non. On prépare pas mal de trucs, mais peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous êtes sur l'autoroute du soleil. Et justement, je vous le rappelle, puisqu'on parle de vacances, que pour le prix d'un beignet abricot fraise choco, vous pouvez soutenir Fin du Game sur le Patreon. Je t'imagine en vendeur de chichi, tu sais, beignet sur la plage maintenant. Est-ce que ça existe encore, ça, les mecs j'imagine. Avec la tenue rouge qui ont une maxi cagette comme pas, ça? J'espère, peut-être. Non, les gens n'aiment plus les beignets. C'est les chichis, c'est fini. Pour moi, c'est ça les vrais souvenirs de vacances, tu vois. C'est le beignet acheté qui tombe dans le sable et du coup, tu te fais engueuler par ta daronne, voilà, ça fait partie des vrais souvenirs de vacances. Enfin bref, tout ça pour dire que vous pouvez nous soutenir sur Patreon. Merci énormément à toutes les personnes qui nous rejoignent, parce que c'est en partie grâce à vous que nous pouvons faire cette émission. Je dis en partie, pourquoi ? Parce que nous avons également un sponsor, un nouveau sponsor. Here comes a new challenger. Puisque notre sponsor aujourd'hui, c'est PlayStation avec leur nouveau PlayStation Plus. Et oui, vous l'avez peut-être vu passer, le PlayStation Plus, a fait peau neuve ces derniers temps avec une nouvelle formule avec trois paliers qu'on va vous présenter tout de suite. Il y a le premier palier avec le PS Plus Essential qui pour 8,99€ par mois donne la possibilité de jouer aux jeux multi, et il y a aussi des jeux qui sont offerts tous les mois. Ça vous dit peut-être quelque chose, hein, c'est ce qu'on pourrait appeler le vieux PS Plus, quoi. Le palier d'au-dessus, c'est le PlayStation Plus Extra, c'est 13,99€, et en gros là ça ajoute tout un catalogue avec un peu plus de 400 jeux. Il va y avoir des jeux de l'ancienne génération mais aussi des jeux de la génération actuelle, il y a du God of War, il y a du Uncharted et il y a justement Returnal dont on va vous parler aujourd'hui. Et enfin, il y a le PlayStation Plus Premium qui lui est à 17,99€ et qui ajoute à tout ça la possibilité de jouer en streaming, et ça c'est dispo aussi sur PC. Par exemple, si vous voulez jouer à Bloodborne sur PC, et ben c'est possible. Bloodborne sur PC, mais oui, c'est annoncé dans Fin du Game, c'est nous qui l'annonçons. Mais ils ajoutent aussi un catalogue, le catalogue des classiques, puisqu'il y a aussi des jeux PS1, PS2, PSP et PS3. Mais pas que, effectivement, puisqu'il y a aussi la possibilité, avec cette offre-là, d'essayer certains des dernières grosses cartouches qui sont sorties sur la console, notamment le dernier Horizon Forbidden West. Et là, évidemment, les prix qu'on vous a donnés, bah, c'est les prix de l'abonnement au moins, mais bon, il y a des formules à l'année, si vraiment c'est un truc qui vous intéresse, sachant que bah, si vous venez de vous prendre une PlayStation 4, ou vous avez une PlayStation 5, ou même du coup, si vous avez la fibre et un PC, bah voilà, vous avez de quoi vous occuper pendant pas mal de temps. On remercie PlayStation, voilà, de nous soutenir, de rejoindre la Fin du Game Family. On est très content de ce partenariat. Ça va nous permettre d'aborder la prochaine saison avec sérénité et puis voilà, nous donner peut-être un peu de force pour préparer de nouvelles choses. Je ne sais pas, il y a une personne autour de cette table, elle a des idées, elle a envie de faire des choses, et voilà, peut-être que ça arrivera d'ici septembre, je ne sais pas, voilà. À suivre. En tout cas, pour aujourd'hui, on va parler, tu l'as dit Benoît, de Returnal. On va aller direction Atropos, planète alien, on va aller se coincer dans une boucle petite randonnée au milieu des bestioles tentaculaires. On a choisi une musique, on a proposé des musiques. Ah bah oui, parce qu'il y a de quoi faire, mais bon, après on verra, on laissera évidemment DJ Max comme d'habitude faire son choix. Et ben on se retrouve juste après ça. Alors, Returnal, c'est sorti le 30 avril 2021 sur PlayStation 5, c'est édité évidemment par PlayStation et c'est développé par Housemarque, un studio finlandais sur lequel on va revenir parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas du tout un studio qui vient de débarquer dans le game, au contraire, c'est un studio qui est là depuis presque 30 ans. Alors, à l'origine, c'est deux studios finlandais, c'est les deux premiers studios finlandais ever qui sont nés dans ce pays de vikings. Il y avait deux studios, le premier c'était Bloodhouse qui avait été fondé par Ari Tikkanen et le deuxième c'est Terramark, aucun lien de parenté, qui lui avait été fondé par Hilary Kuti et Stavros. Merci, je sais pas merci si les gens l'auraient, mais, ouais, mais voilà. Bravo. Donc, deux studios qui étaient tous les deux en Finlande, qui viennent de la culture Demoscene. Qu'est-ce que la culture Demoscene, Benoît ? Oui, c'est marrant parce que forcément, dès que ça date d'avant les années 2000, c'est vers moi qu'on se tourne forcément. La Demoscene, en fait, c'est vraiment une espèce de mouvement alternatif un peu artistique, même on pourrait dire, puisqu'il s'agissait de performances à la fois visuel et musical, qui était réalisé avec en essayant d'exploiter au maximum les contraintes du hardware de l'époque. Donc, c'est des petites séquences vidéo, c'est un peu psychédélique, qui font penser à des clips. Ça a donné tout un tas de musique qu'on connaît très bien si vous avez téléchargé des logiciels illégaux tels que Photoshop et autres pendant des années, puisque cette musique-là, Chiptunes, vient aussi un peu de ce truc-là. D'accord. Et ils viennent en fait de ce truc-là, qui est toujours très actif. Hein. Si vous cherchez, il y a encore aujourd'hui, il y a même des concours de Demoscene chaque année, où ils réalisent vraiment des démos 3D réalisées avec le minimum de poids utilisé possible, c'est assez impressionnant. Et donc, ces deux studios, ils vont d'abord sortir un jeu chacun de leur côté, donc il y aura Stardust et Elfmania, avant, au milieu des années 90, vraiment de joindre leurs forces pour pouvoir faire face, en fait, à cette époque-là, déjà, il y avait une montée un peu dans les ambitions de production, puisqu'il y a la PlayStation qui arrivait, etc. Donc il fallait se solidifier, surtout. Du coup, ça explique l'histoire du nom, parce que je me suis dit, mais ça veut rien dire, Housemarque, tu vois. Ils ont pris Terrorhouse, Bloodhouse, ils ont coupé, ils ont fait voilà, pif, Pineapple paf, Pané, ça, ça fait marche. Des chocs à pic. Alors, leur premier jeu, il sort en 96, ça s'appelle Alien Incident, mais il y a aussi une suite de Stardust, qui s'appellera Super Stardust, qui va sortir également à ce moment-là. C'était déjà un shoot 'em up un peu intense, avec des boulettes de partout et de la musique techno-trance. J'ai noté sur le conducteur Darude Sandstorm. Je me demandais si c'était premier degré au début, parce qu'il est finlandais, donc je me disais, peut-être que voilà, quelqu'un connaît, ils ont mis le petit Darude. Alors j'avoue que j'ai pas checké qui fait la bande originale de Super Stardust. Non mais parce que du coup quand je prépare l'épisode forcément j'aime bien regarder un petit peu les jeux à l'ancienne et là j'ai pris la musique dans la tête, j'ai fait ah oui d'accord, on est vraiment c'était ça les années 90, c'est une rencontre entre un dance floor et une salle d'arcade et ça y est on mélange les deux et c'est ça. Alors, je le disais, ça, c'était un shoot 'em up, mais ils vont avoir une petite période où ils vont se mettre à faire des jeux de snowboard, parce que oui, à la fin des années 90, on faisait des jeux de snowboard, c'était le principe. Il y en a un qui est sorti sur Game Boy Advance, l'autre qui était sorti sur Xbox, donc ils vont un petit peu, c'est plus des jeux de commande, évidemment, mais c'est comme ça que le studio va pouvoir survivre. Et c'est en 2004-2005, qu'ils font vraiment la rencontre avec Sony, puisqu'il y a Guerrilla Games, studio dont on a déjà parlé, qui sont ceux qui ont fait Horizon, mais avant ça, ils faisaient les Killzone, et du coup, Housemarque a bossé sur le spin-off qui était sorti sur PlayStation PSP. Portable, PSP, qui s'appelait Killzone Libération, et ils avaient fait de l'optimisation et tout pour la console portable de Sony. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à rentrer en discussion avec la marque, parce que en 2005-2006, Sony veut lancer un truc qui s'appelle le PlayStation Network. Oh et oui, souvenez-vous, on est sur la PlayStation 3 va arriver. Ça fait déjà bientôt 20 ans. En fait. Mais ça c'est ouf parce que ça commence à être les trucs où je les ai vécus, tu vois, l'arrivée du PSN et tout. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce machin, le jeu en ligne, on pouvait commencer à brancher nos consoles sur Internet, etc. Et donc, il fallait nourrir le catalogue du PSN et à ce moment-là, PlayStation, ils cherchaient des studios, des petits studios qui étaient quand même capables de proposer des productions qualitatives et Housemarque, ça semblait être le bon match et c'est ce qu'ils vont faire avec la version HD de Super Stardust HD auquel vous avez joué mes petits camarades. Oui. Yes. Alors moi j'ai joué sur Vita. Moi j'ai joué sur PS3. Ouais. Ça devait faire partie peut-être justement du catalogue ou. C'est très cool parce que c'est du scrolling horizontal mais en fait on tourne autour d'un globe. On peut jouer à la fois à gauche et à droite, donc il y a un petit côté Darius qui est pas piqué des hannetons et ce qui est putain, cool c'est t'as sorti le pas piqué des hannetons. Ah non mais moi j'ai des expressions de vieux. Pour moi ça fait partie de ma checklist des trucs préférés des gens qui sont dans le jeu vidéo. Il y a pas piqué des hannetons, IA aux fraises et gameplay aux petits oignons. Ah ouais. Voilà pour moi c'est c'est trop bien quoi. C'est ma liste. Et voilà. Je parlerai de l'E3, la grand messe du jeu vidéo. Et, non, mais voilà, la prochaine fois. C'est ma checklist des phrases des testeurs. J'allais dire que le PlayStation Network, c'était aussi l'occasion de rappeler que c'était la même période de la grosse ascension du jeu indépendant. Et oui, que du coup, PlayStation, voilà, ils essayent en gros de proposer une offre pour concurrencer la Xbox. Parce que la 360, elle envoie du pâté. Oui, hein, à ce niveau-là, avec le Xbox beaucoup, Live. Hein. Avec l'Xbox Live Arcade. Ouais. Brain, c'est 2007, c'est ça? Ouais, c'est à peu près cette période. 2006, dans ces zones-là. Non, c'est un peu plus tard quand même. Je crois que c'est plutôt 2008, un truc comme ça. Oui, bon, en tout cas. Bref, c'est un peu. Un an après. Je les ai perdus. La première blague du jeu, putain. Désolé. Mais en gros, un an près, 2007, voilà. Oui, oui, non, mais c'est cette période où il se passe beaucoup de choses, quoi. Il faut dire que sur Super Stardust HD, il y a un petit move qui est le dash. Ils vont intégrer vraiment cette espèce de dash pour traverser les boulettes. Et ça va devenir un petit peu leur move signature chez Housemark. Et c'est d'ailleurs un peu à ce moment-là qu'ils vont formaliser leur philosophie de game design qui s'appelle Game is King. Donc vraiment, voilà, le jeu est roi, avec cette idée d'une philosophie très, très arcade. C'est vraiment ça qu'ils ont envie de faire. Et Super Stardust sera vraiment le marqueur et l'incarnation de cette philosophie. Et ensuite, ils vont évidemment continuer de bosser sur plusieurs jeux. Alors, ils vont faire quand même des petits pas de côté ici ou là, mais globalement, on retrouve toujours un peu cette identité justement très arcade. Il y a Dead Nation en 2010, c'est Left 4 Dead et vous mettez une caméra en vue isométrique, ouais. Hein, c'est globalement ça. Il y a Rezo Gun en 2013 qui va accompagner le lancement de la PS4 et de la PS Vita, où on retrouve un petit peu des idées de Super Stardust, hein. On reste dans du shmup assez, assez classique. Moi, j'avais noté en petit pas de côté Outland, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu-là, je sais que toi Hugo, tu ne l'avais pas connu, Max, tu l'avais connu, tu avais regardé les vidéos. Ouais. Moi, j'avais bien aimé à l'époque, c'était un Metroidvania slash Ikaruga, j'ai noté, parce qu'en fait, comme dans Ikaruga, on va pouvoir changer la couleur de notre perso, et en fonction de cette couleur, il va absorber des boulettes et d'accord. Pouvoir les esquiver, puisque du coup, ça se joue avec un bonhomme vraiment en mode Metroidvania, comme on a l'habitude, mais avec la petite surcouche. Et du coup, c'était bien. Et c'était pas mal du tout, ouais. En tout cas, quand tu regardes la vidéo, tu dis oui, c'est Ubisoft, ils ont commandé leur jeu indé. C'est ça. C'était la période où ils avaient commandé, juste après, ils allaient lancer Soldat Inconnu, Child of Light, etc., quoi. Un peu plus tard, du côté d'Housemark, ils enchaînent toujours avec une espèce de suite spirituelle à Dead Nation, c'est Alienation. Ouais. Ça, si vous l'avez pas fait et que vous aimez les jeux en coop, je vous le recommande, parce que pour le coup, c'est du Diablo en version top-down shooter. Ah. Ça fonctionne bien. Ah. Je vous attendez. Merci. Ah, il recommande. Oh. Ah, ouais, bon, d'accord. Ah, c'est du Diablo, très bien. Ouais, évidemment, ouais, des couleurs, du loot, des jauges, hein, c'est ça qu'on aime. Et Nex Machina aussi, qui sort en 2017, qui est un de leurs derniers jeux, on va dire, un peu old school. Là, pour le coup, c'est vraiment un gros délire old school. Pareil, si vous aimez bien la musique qui envoie du pâté, la BO de Nex Machina, elle est incroyable. Mais ça reste un jeu... Oui, c'est vraiment un jeu arcade, mais par contre, quand tu le regardes, voilà, si t'as déjà joué à Returnal, tu fais « Ah ouais, on sent que... » Il y a une espèce de filiation, on va dire, qui est plus ou moins assumée, quoi. Mais ça reste des jeux quand même avec des scopes, enfin des ambitions relativement resserrées. Et c'est à peu près cette période-là qu'ils vont commencer à bosser sur Returnal, on le dira juste après. Oui, j'allais juste dire, attention, c'est vraiment une transition à ce niveau-là, parce qu'ils sont en discussion avec des projets, ils savent pas trop quoi faire, mais parce que en fait, ils ont vraiment sorti un manifeste, en fait, 2 mois vraiment après la sortie de Nex Machina, donc en août 2017, qui s'appelle Arcade is Dead, où ils disent que Nex Machina, il a été bien reçu. Sur Metacritic, c'est un 88, hein, c'est vraiment pas rien, mais les ventes sont vraiment décevantes, voilà, ça marche pas, et globalement, c'est pas un studio qui a l'air d'avoir brillé plus que ça auprès des joueurs. Et du coup, ils annoncent qu'ils vont quitter l'arcade, en fait, que ça a été une philosophie, c'était un peu les derniers représentants, ils ont essayé, machin, ils adorent, mais là, l'industrie, elle se tourne vers le multi, vers l'aspect communautaire, ils disent, voilà, des communautés soudées et tout, et ils sous-entendent qu'ils vont prendre ce virage-là en quittant l'arcade. Quoi. Et on dit qu'ils sous-entendent parce que, en fait, ils vont pas se prendre le virage comme ça, ils vont prendre quand même un virage, mais ils vont pas le jouer comme ça. En fait, c'est au lieu de, j'allais dire, tu sais, c'est le manga, là, le truc où ils font des drifts tout le temps, là, au genre, il tourne encore plus à fond, mais j'ai oublié le nom. Donc déjà voilà, vu. Ça pète, oui, voilà, avec le déjà vu, mais j'ai plus le nom du manga, ça me reviendra plus tard, évidemment. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que en 2017, clairement, pour n'importe quel studio, annoncer qu'ils vont se tourner vers du jeu service en ligne, parce que c'est ça hein, qu'on lit entre les lignes, c'est normal. Oui, mais c'est un move triste, en fait. C'est-à-dire que c'est quand même un peu un move, on n'arrive pas à faire fonctionner nos jeux, du coup, on voit un petit peu quelle est la tendance, et on va devoir se plier à ça, et finalement, se manifester Manifest, bah ouais, c'est pas une super nouvelle quand on lit un truc comme ça. Et c'est pour ça, bah maintenant on sait ce qui va se passer après, ça va être différent et c'est pas ça qui va se passer. Du coup, pour revenir à Returnal en tant que tel, c'est pas un jeu qui va naître en 2017, il naît quelques années avant, puisque c'est Harry Kruger qui était un développeur, il avait bossé au studio Q Games. Alors ça, c'est un studio de Kyoto que je vous recommande de chercher si vous êtes intéressé par la culture JV de manière générale, ce qu'ils font. Alors ils ont fait toute la série des Pixel Junk, qui sont des jeux qui étaient sortis à l'époque de la PSP, c'est des jeux indés, vraiment assez alternatifs, et ils avaient fait également The Tomorrow Children, ils sont en train d'en faire un remake. Donc c'est un studio qui fait des jeux quand même assez intéressants, vraiment un peu barré côté japonais, donc c'était marrant. Je regardais sur son LinkedIn et j'étais là, tiens, c'est son premier studio, il a bossé là-bas. Et par contre, ça fait très longtemps parce qu'il est arrivé. Ouais, il y a plus d'une dizaine d'années. Plus d'une dizaine d'années. Hein, en ouais. tout cas, aujourd'hui, à l'époque, je ne sais pas en 2014, mais je crois qu'il avait bossé sur Outland et peut-être même un jeu avant. Et Outland, je crois que c'est 2011, un truc comme il ça. Il a commencé comme codeur gameplay, vraiment sur. Voilà, il a fait ses armes là-dessus, il est monté petit à petit, puis il est passé director. Et en 2014, c'est assez rigolo parce qu'il raconte ça dans une conférence qui n'est pas encore disponible, qui a été retranscrite sur Isetera, mais qui finira, j'imagine, par sortir du GDC Vault. Où il explique qu'il a, dans une des réunions avec ses collègues, il a dit « Et si on faisait un jeu d'arcade triple A ?» Et apparemment, l'histoire veut que tout le monde se soit foutu de sa gueule à ce moment-là. Exactement, c'était PTDR. Ouais. PTDR, tu plaisantes, c'est mort. Mais ok, c'est, boomer. En tout cas, c'est ce qu'il dit aujourd'hui, hein, parce qu'on ne sait jamais, il y a le storytelling, l'accroche. Ouais, machin, ouais. Mais ça ne me choquerait pas qu'en fait, interne, tu vois, il y ait une espèce de résistance en mode « On ne va pas faire un jeu d'arcade en triple A, t'es con. » De toute façon, de base, il n'y a pas d'argent. Donc. Bah oui, voilà. Mais au final... Quelques années plus tard, l'idée continue de faire son bonhomme de chemin. Hein. Cette idée, je crois que l'idée de base, c'est le truc de la Dark Planet. Ouais, c'est, hein, ça. C'est ça. Il y avait vraiment cette idée d'une planète un peu horrifique sur laquelle on serait enfermé. C'est ça, en fait, qui va être un peu la base du projet. C'est pareil, c'est un trope un peu. Enfin, il y a plusieurs œuvres de SF, tu vois, avec des planètes prison, des trucs comme ça. C'est des choses qui peuvent revenir. Et c'est un peu dans ce délire-là qu'il partait. Et ça s'est plus ou moins, on va dire, transformé vers ce qu'est Returnal vers 2017. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en même temps, tu vois, c'est quasiment concomitant. Ils sortent Nex Machina, ils se viandent, ils font le manifeste et a priori, ils devaient être en tractation avec PlayStation ou d'autres éditeurs. Et à un moment donné, ils ont eu le feu vert pour partir parce que c'est fin 2017 qu'ils commencent la production d'un proto de Returnal. Le pitch à la base, il est déjà là en fait. Il y a vraiment ce truc que c'est un bullet hell triple A procédural. Bonne idée. Ah bah complètement, hein. Je pense que tu vas voir un financeur aujourd'hui en lui disant que tu vas faire un jeu d'arcade triple A procédural. Enfin, c'est comme avec mes expressions, mais là c'est le bingo de tout ce qu'il faut pas faire. C'est vraiment un truc, enfin dans l'industrie, c'est assez triste de dire ça, mais il y a quand même évidemment des attentes de la part des gens et surtout il y a des contraintes liées au jeu des triple A sur des narrations, sur un contexte aussi de mainstream, de proposer ça à un maximum de gens et arriver avec une proposition aussi radicale, il y a peu de chances que ça arrive. Oui, parce que du procédural, il y en a dans les jeux AAA, hein, sur des assets, des choses comme ça, mais par contre... Pas sur la génération des niveaux. Pas sur une génération de niveaux. En général, c'est fait main, entre guillemets, avec tout ce truc-là. On a une structure qui est plus linéaire déjà, plus habituelle. On va pas... Enfin, du AAA roguelike ou roguelite, ça n'existait pas et ça n'existe toujours pas, parce qu'il y en a qu'un seul représentant aujourd'hui, qui est Returnal, mais c'est pas un genre à part entière, quoi. Le fait est que ils ont réussi à pitcher ça et ils ont réussi à se faire financer ce truc, ce qui est assez incroyable. Très tôt, ils ont mis en place les piliers de leur vision qui sont, comme d'habitude, gameplay is king. Donc ils sont vraiment restés sur ce truc arcade. Finalement, en fait. L'arcade que, est mort, mais pas trop. L'arcade. Tant pis, on va quand même tenter de le faire survivre avec encore aussi cette phrase que vous connaissez sûrement qui est le fameux « easy to learn, hard to master ». Maxime, ça veut dire Facile à apprendre et difficile à maîtriser. Vas-y, il fait des feintes pour un champion. En plus, je fais vraiment le truc littéral. Sachant que cette phrase, alors pour le coup, elle est attribuée à Bushnell, le fondateur d'Atari, mais a priori, ça serait pas lui qui l'ait dit en réalité. Il y a toujours des petites discussions, mais en tout cas, c'est considéré comme un peu la phrase qui résume bien la philosophie de l'arcade en tant que telle. Et d'ailleurs, il qualifie ça pas de bullet hell, mais de bullet ballet. Ouais. Et ça, c'est. Ballet. Ah, c'est ballet. Et c'est beautiful. Et c'est... Oui, moi j'ai trouvé ça très poétique. Je me dis dans un. On me présente un PowerPoint avec Bullet Ballet. Je fais oui, allons-y, voici des là, sous, allons-y. Exactement, voilà, parce que les autres, ils sont tristonnés. Ils disent Bullet Hell, voilà. Moi, c'est dans l'enfer. Non, nous, c'est un ballet. Voilà, c'est bien. Ouais, bah, effectivement. Et surtout qu'en plus, concrètement, quand tu joues au jeu, c'est ça. Il y a un des aspects, je trouve, qui est le plus réussi. Et par contre, du coup, ils choisissent non pas de faire un roguelite pour nos amis de Berlin, mais un roguelike, c'est-à-dire qu'on a la mort qui est permanente. C'est-à-dire que vous mourrez, c'est fini, vous repartez vraiment de zéro, vous ne gardez à peu près rien. Il n'y a pas de méta-progression à proprement parler, c'est très très light. Et en fait, Harry Kruger, il explique que lui, il privilégie une philosophie où les gens vont plutôt s'adapter à ce que le jeu leur envoie dans la tronche, plutôt que de donner de l'agency, donc de la liberté, pour pouvoir se constituer un build, choisir des armes qui nous plaisent, etc. Comme on le voit dans tout un tas de jeux, c'est vrai que pour ne pas le nommer, Hades. Oui, dans beaucoup de roguelite aujourd'hui, c'est vrai que vous pouvez quand même partir avec un minimum d'idées en tête, de dire « je veux jouer comme ça aujourd'hui et je vais faire la run comme ça », alors que là, eux, leur philosophie, c'est plutôt qu'est-ce que m'envoie le jeu dans la tronche et je dois m'adapter à celui-ci. On aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais lui, vraiment, le challenge, pour lui, c'est la base du fun, de l'intérêt presque du jeu vidéo, quoi. On parlait qu'il n'y a aucune progression, il y en a quand même une petite, et on peut penser un peu à Dead Cells, puisque le jeu reprend un peu ce truc de Rogvania entre guillemets, puisqu'au fur et à mesure du jeu on va trouver soit des items soit des clés qui vont nous permettre en fait de commencer le jeu et d'aller directement à la zone suivante, en fait de pas faire toutes les zones les unes après les autres. Voilà, le jeu il n'est pas construit comme ça, donc il y a une sorte de répétition. On doit recommencer la zone jusqu'à ce qu'on batte le boss, et après en fait on peut quand même passer à la suivante. Donc même si on recommence de zéro, dans la progression spatiale, on recommence pas du tout de zéro. Ouais, sachant qu'on débloque du coup des capacités de mouvement. Il y a notamment, il y a un dash, il va y avoir le grappin qui va complètement changer le gameplay. On va pouvoir avoir la petite tenue là qui permet de marcher dans la lave. Enfin, c'est des trucs qui vont nous débloquer petit à petit, comme tu le dis, soit des raccourcis, soit des accès vers des salles bonus. Sur le côté histoire, on l'avait dit, donc il y avait ce truc un peu de Dark Planet. Ils vont essayer de faire un jeu qui est assez mystérieux. C'est un peu leur guideline d'essayer de créer un jeu où au fur et à mesure de la progression on va se perdre un peu dans ce qu'on nous raconte, et c'est qu'à la fin qu'on aura vraiment le fin mot de l'histoire, et c'est comme ça vraiment qu'on va consommer le truc. Fun fact, et peut-être pas si fun, c'est que Harry Kruger, alors encore une fois il le dit dans un truc, on sait pas vraiment si c'est du storytelling, mais il explique que à part l'équipe narrative, les autres gens de l'équipe n'étaient pas forcément au courant justement de ce qui allait se passer dans l'histoire. Et ça c'est un truc qui nous a un peu surpris, qui nous a un peu fatigué, parce que concrètement, l'histoire et le jeu vidéo, on commence à le savoir aujourd'hui avec le narrative design, c'est bien que ça marche de concert, et avoir un département qui ferme, qui coupe les informations au reste de l'équipe, c'est un petit peu étonnant quand même. J'avoue que je comprends pas trop la décision, si c'est vrai, hein, en tout cas, parce que j'imagine, en gros, il explique que les gens venaient lui poser des questions, et il leur disait, oui, c'est ce genre de questions que je veux que les gens se posent, et t'es là, mais à moi, tu peux m'y répondre, enfin, tu vois, et non, manifestement non, alors que pourtant, c'est super important, maintenant que j'ai enfin le droit de le dire, vu que ça fait 3 ans que je suivais Asobo, pour Plague Tale, tous les studios, ils sont au courant de ce qui se passe dans l'histoire, l'évolution des différents chapitres, parce que même s'ils bossent sur un aspect qui n'a rien à voir avec la narration, ou que c'est indirectement, l'expérience finale, ça leur elle sert. C'est important que tout le monde sache ce qui se passe, quoi. Exactement. Finalement, ça prouve, on reviendra peut-être en détail là-dessus, mais il y a un côté un peu compartimenté, du coup, entre histoire et gameplay, et c'est parce que c'était leur volonté dès le début, finalement. Ouais, peut-être que ça se retranscrit dans le jeu, effectivement, de cette manière-là. Mais en tout cas, c'est un choix qui est particulier, parce qu'on peut comprendre vraiment dans certains extrêmement gros AAA, tu vois, j'imagine que chez Naughty Dog, ça m'étonnerait, il y a la peur des leaks, et puis toutes les idées qu'ils peuvent avoir chaque jour et machin, ils vont pas tout raconter, mais les gens ont quand même une trame générale de ce qui se passe dans un The Last of Us ou un Uncharted, tu vois, j'imagine. Mais c'est un choix qu'ils ont fait, c'est comme ça qu'ils le racontent. On a parlé de l'histoire, on peut parler un petit peu de la partie technique aussi, qui a été comment s'est passée la production, tout simplement. Ce qui n'était pas évident, c'est que faire du TPS c'est une première, hein, vraiment. C'est vrai qu'on a réfléchi, on n'a pas forcément vu d'équivalent de jeu qui ferait ça en 3D. Doit y avoir des trucs qui existent, tu vois, mais j'ai pas de. Il y a des TPS avec des projectiles, ça existe, mais pas avec cette philosophie-là. Il y avait Nier Automata, mais c'est pas des shooters. Fait partie des rares jeux où il y a effectivement des boulettes en 3D. Quand on parle de ces jeux-là, on mentionne le fait qu'il y ait des boulettes, des pâtés, tout, parce que c'est en partie ce qui les rend spéciaux, quoi. Ouais. Et du coup, pourquoi on mentionne le fait qu'il y avait pas d'autres jeux, c'est parce que le jeu vidéo ne vient pas du néant. Hein. Je veux dire, en général, les gens s'inspirent les uns les autres, et donc ils avaient aucun exemple sur lequel s'appuyer pour savoir comment gérer le personnage, la caméra, les déplacements, le son, enfin, plus ou moins toutes les questions qui sont liées vraiment aux 3C du jeu, donc la caméra, les contrôles, le personnage, ils ont galéré. Hein. D'ailleurs, ils ont commencé avec un système de lock, avec une caméra qui va se placer en fonction des ennemis. On va les cibler, comme on peut le voir, dans un Zelda ou même un Metroid Prime, pour prendre un shooter. Et en fait, ils se sont rendu compte que ça marchait pas trop. Du coup, ils sont repasser sur une visée libre avec une grosse assistance à la visée, mais ça on aura l'occasion de décortiquer tout ça par la suite. Le scope, évidemment, comme d'hab, qui était trop gros, on le sait. C'est fou, hein, le nombre de studios, tu sais, ils lancent un projet de jeu et ils voient trop grand. Alors, c'est bien, parce que c'est bien, tu vois, ils disent, il faut shoot the moon. Exactement, tu vois, pour l'émulation, pour donner de l'énergie, de la motivation, c'est normal de viser sur un gros projet. Mais ouais, au départ, il y avait quoi, 13 biomes, un truc comme ça ? Il y avait 1000 planètes. Ok, Bethesda. Il y a une blague qui va se ressortir plusieurs fois, c'est pas mal. Ouais, ils étaient partis sur 13 biomes, petit à petit, avec vraiment une structure complètement éclatée, où on pouvait aller d'un niveau à un autre. Ça ressemblait vraiment à une structure plus Metroid, justement, ouais, avec de ce côté-là. Un labyrinthe, on peut le trouver hein, sur le ouais. Resetera, là, vous pouvez aller voir l'image où on montrait toutes les connexions. C'est vrai que c'est plus compliqué que la version finale. Hein. Ensuite, ils ont passé à une version intermédiaire avec du voyage dans le temps, où là, il y avait effectivement cette idée des deux actes, mais c'était quand même... Il y avait 12, ils sont passés de 13 à 12. Wouh Ça change tout. Et finalement, ils se sont rendus compte que vraiment, ils n'y arriveraient pas. Donc, ils font deux actes avec trois biomes chacun et avec une fin réelle, parce qu'ils considèrent vraiment que la fin du premier acte, qui est considérée comme, en interne, en tout cas, ce qu'ils appellent la good ending du jeu. Sachant que voilà, les trois biomes, ils sont un peu en miroir, entre guillemets, puisque la première zone et la deuxième zone, elles se répondent un peu l'une à l'autre. Hein, c'est le désert, au début, il est rouge, après, il est dans la glace. La forêt du début, il fait tout noir, et après, c'est un peu plus la jungle luxuriante. Et le dernier niveau, par contre, c'est un peu plus différent. Oui, un petit peu de changement avec l'eau, qui est vraiment un truc un peu à part. Ils avaient l'idée d'un niveau vraiment supplémentaire. Enfin, en gros, là, ce qu'on est en train de vous raconter, on le redira à la toute fin de l'émission, ils avaient beaucoup d'idées. Ils n'ont pas pu tout mettre ce qu'ils voulaient dans le jeu. Et notamment, par des vraies raisons techniques, c'est qu'en fait comme c'est leur premier jeu en 3D, ils ont vraiment accumulé ce qu'on appelle de la dette technique tout au long de la pré-prod et de la production. Donc on va peut-être faire une petite parenthèse pour expliquer ça aux gens qui nous écoutent. La dette technique, c'est vraiment une expression un peu technique, mais qui revient vraiment dans beaucoup de discussions. Et du coup, qu'est-ce que c'est que la dette technique? L'idée en fait, c'est d'expliquer qu'ils ont pas ils sont pas formés sur l'Unreal Engine 4, donc c'est un moteur qu'ils ne connaissent pas. Donc ça veut dire que dès qu'ils vont faire un choix, par exemple, ils vont modifier un élément dans une scène, donc dans un niveau, et ils vont pas anticiper les dépendances qui vont être liées, ils vont péter un truc à 3 km de là, et donc le problème plus le temps c'est avance, que... plus on travaille sur le projet alors qu'on maîtrise pas l'ensemble de l'outil, et il y a un moment où on accumule ce qu'on appelle du coup la dette technique, et qui va faire que parfois ça te met un peu dans la panade, parce que t'as tout un tu te traînes un boulet en fait de dysfonctionnement entre guillemets, parce que t'avais pas la maîtrise de l'outil. Surtout que c'est assez traître, parce que tu peux très bien avoir une build qui pendant deux milestones d'affilée va fonctionner parfaitement, et tu rajoutes une nouvelle petite feature qui pète tout, et c'est impossible de revenir en arrière, parce qu'en plus t'en avais besoin, puisque ça fait partie de ton cahier des charges, et donc ça rajoute en fait régulièrement des passes de débugage, de code, d'optimisation, qui font qu'ils ont galéré sur pas mal de passages. Donc ça c'est, ils se sont traînés ça quasiment sur toute la durée de la production, parce qu'on le rappelle, le jeu est sorti en pleine période de Covid, donc en plus c'était pas très drôle de ce niveau là et en plus de ça, c'est un studio qui au départ était pas très gros. Je crois qu'ils étaient, je sais pas, peut-être 40, 50 max, ouais, 25 quand ça a commencé à bosser sur Returnal. C'était peut-être 50 dans le studio. Enfin, je donne un chiffre comme ça au pif, mais en tout cas, assez rapidement, ils se sont retrouvés à avoir une grosse équipe, puisqu'ils étaient 80 en interne et 80 en externe, qui faisaient du coup beaucoup de presta. Si vous regardez les crédits de Returnal, c'est assez drôle. Hein. C'est vraiment, il y a une petite partie, c'est les gens internes, et après, c'est les 40 000 studios qui les ont dépannés. Et je reprécise juste un truc sur des techniques, puisque tu as d'un côté tes process qui sont assez longs, compliqués, enfin t'as une usine à gaz, hein, ça c'est des choses qui existent globalement dans la tech, c'était des gros enjeux en fait qu'on commençait il y a genre 10 ans, parce que t'as des grosses entreprises, je sais pas, on va prendre en France par exemple la SNCF ou quoi, qui existe depuis assez longtemps, et t'as des petites startups qui débarquent, qui elles ont le truc tout propre et tout fait, alors qu'eux ils se traînent des vieux logiciels depuis super longtemps, spécifiques à un fournisseur qui est à Hong Kong depuis 95, enfin bref, shoot des trucs out comme ça. À SFR qui gère toujours sa base de données avec un truc qui ressemble à une interface shoot de Minitel. Out à beaucoup d'institutions. Hein. Mais ça, et du coup t'as des grosses boîtes qui embauchent des gens pour justement refaire un petit peu au propre parce que t'as de la concurrence qui arrive, comme j'ai dit, tout propre. Et en fait, un petit peu pareil avec le jeu vidéo, où tu peux avoir des indés ou des gens qui arrivent et qui ont des process vraiment optimisés ou quoi, ou qui maîtrisent du coup l'Unreal Engine 4. T'en as qui ont fait ça peut-être pendant leurs études, ils vont beaucoup mieux maîtriser et les standards vont changer, les attentes des joueurs vont changer et tu peux être un petit peu à la bourre. Et le milieu du jeu vidéo est très concurrentiel. Et d'ailleurs, peut-être pour illustrer vraiment un des problèmes qu'ils ont connus sur ce moteur, c'est la fameuse génération procédurale, hein, puisqu'on l'a dit, voilà, le jeu va être en roguelite et tout. Donc ça, c'était bien, ça s'est bien développé, mais mais ça a été un problème, notamment pour intégrer une fonctionnalité pour suspendre le cycle. Et c'est un truc qui a fait un petit peu polémique à la sortie du jeu, hein, puisqu'on ne pouvait pas quitter le jeu en cours de partie. C'était pas possible, on pouvait pas sauvegarder sa partie comme ça. Et en fait, c'était à cause de cette technique qu'ils avaient sur leur moteur. Ils avaient pas, ils pouvaient pas arriver à faire fonctionner ce truc-là. Ouais, alors je pourrais pas vous expliquer en détail pourquoi, mais il y a une conférence qui, elle, est disponible vraiment publiquement sur la GDC, donc d'un des programmeurs qui explique comment ils ont créé ce qu'ils appellent le générateur de niveau, qui peut en fait en quelques secondes générer tout un biome instantanément, et vraiment il arrive à le faire très rapidement, sachant que là ils étaient contents, il y a tout un passage où il explique la différence entre les anciens disques durs et le SSD de la PlayStation 5, à quel point ça les a quand même bien dépannés. Mais le fait est que ce générateur là il était assez instable, en fait dès qu'il changeait un petit truc, un petit objet ou un machin, ça pouvait tout péter, et du coup en fait il ne pouvait pas suspendre le jeu, faire une sauvegarde et revenir dans la même seed plus tard. Ils ont dû en fait passer des mois et des mois à patcher ça, à travailler sur ça avant de pouvoir justement sortir un patch qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui permet de quitter le jeu en plein milieu, quoi. Comme quoi c'était pas une décision d'auteur de je sais pas quoi, parce que la difficulté, c'est rarement le cas, en fait ça n'avait strictement rien à voir. C'est vrai qu'il y avait ça comme discours à l'époque. T'avais une partie des gens qui disaient ils l'ont pas fait parce que c'est la philosophie, mais t'as toujours des gens pour défendre, du coup ils sont, si c'est plus dur donc je vais le défendre comme ma mère, tu vois, parce que les gens disaient ce serait sympa parce que ma mère était dure. Exactement. Mais parce que ça avait créé un peu le débat, parce qu'on reviendra encore une fois, j'ai l'impression de le dire pour la troisième fois, on reviendra dessus plus tard, mais le jeu déjà il est difficile, et comme vous l'avez dit il y avait pas moyen de quitter en fait, ce qui est la norme hein, dans les roguelites ou quoi, tu sauvegardes et tu quittes, hein. Hades par exemple, tu fais sauvegarder, quitter la console, tu peux éteindre la console, et là c'était pas possible. Il y a des gens qui défendaient le fait et qui disaient non c'est un roguelite, c'est normal et tout, c'est dur. Non, en fait c'est vraiment s'ils avaient pu le faire ils l'auraient fait, hein. D'ailleurs cette phrase là s'ils avaient pu le faire ils l'auraient fait, je pense que ça définit très bien l'industrie du jeu vidéo dans sa globalité. Quand le monde va s'écrouler, qu'il n'y aura plus rien et tout, sur la tombe du jeu vidéo, s'ils avaient pu le faire, ils l'auraient fait. Ouais, et en dessous, ils ont sorti un jeu, c'est un miracle. Vous avez ça, c'est bon, vous connaissez l'industrie du jeu vidéo. En parlant de sortie, on peut revenir un petit peu sur la sortie du jeu, puisque lui aussi il va avoir un bon score sur Metacritic, on est à 86. Il va être aussi très bien accueilli dans des festivals, des trucs comme ça, puisqu'il va gagner le Best Action Game au Game Awards 2021, et il gagnera le Best Game plus l'audio et la musique au BAFTA JV. Et puis il y aura même un rôle pour l'actrice Jane Perry pour son rôle de Selene, du coup. C'est vrai que le jeu a vraiment eu un accueil critique assez, assez incroyable, alors qu'il s'agissait d'une des premières exclus de la PlayStation 5, donc forcément il y avait un focus assez important là-dessus, alors que c'était quand même un jeu qui colle pas du tout au standard habituel de ce genre de console. Et d'ailleurs, du côté des ventes, même si au côté critique ça a bien fonctionné, en termes de ventes, on sait qu'il y a un an à peu près, ils ont annoncé qu'ils en avaient vendu 500 000, ce qui est très peu, on peut le dire, ce qui est vraiment pas beaucoup. Même si il y a un an, forcément il y avait un peu moins de PlayStation 5 dans la nature, c'est quand même pas énorme. On peut imaginer aujourd'hui que ça a augmenté, et puis a fortiori, rappelez-vous ce qu'on vous disait en début d'épisode, vu qu'il est dans le PlayStation Extra, j'imagine qu'il va y avoir des millions de gens qui vont pouvoir petit à petit le tester. En tout cas, on vous encourage à le faire, ça vous permettra, plutôt que d'acheter le jeu, de vous dire, avec l'abonnement vous le testez, si ça vous plaît, vous pourrez le prendre plus tard, quoi. Mais en tout cas, pour eux quand même, à l'échelle du studio, ça a été un succès, donc c'est quand même bonne nouvelle pour eux. Finalement, ce gros virage qu'ils ont décidé de pas prendre, ils sont pas dit ils ont fait 280 et hop 360, on est dans la même direction. Ils ont pas fait le Battle Royale multijoueur, etc. Ils sont restés sur leur philosophie de jeu, mais ils ont essayé de la porter en 3D, et pour eux ça a finalement fonctionné. Une histoire qui finit bien. On va pouvoir rentrer maintenant justement dans Atropos, dans l'histoire de ce jeu, parce que qui commence mal, qui finit mal, il y a pas de moment où ça va bien en fait, globalement. Donc là, pour l'histoire de Returnal, on s'est dit que comme il y a quand même beaucoup de choses qui se passent sur deux plans, on va vous raconter dans un premier temps l'histoire un peu premier degré, ce que vous découvrez quand vous jouez au jeu. Donc on apprend très vite qu'on incarne Selene, qui est une astronaute qui fait partie du programme Astra et qui s'écrase sur la planète Atropos après avoir rompu des ordres, parce qu'elle n'était pas censée aller là-bas, mais elle a la poursuite de l'ombre blanche, c'est un peu le truc qui l'obsède au début. Elle se retrouve sur la planète, elle va l'explorer, elle va découvrir les ruines d'une civilisation qui est complètement éteinte, teinte a priori, avec aussi des anciens messages. Elle va tomber aussi sur des cadavres d'elle-même assez rapidement. Oui. Ce qui commence à lui faire dire que quand même, il y a des choses étranges qui se passent sur cette planète. C'est bizarre pourquoi je suis déjà là alors qu'en fait, je viens juste d'arriver. Donc bref, elle s'entend un peu perdre la raison au fur et à mesure des boucles. Et puis, de toute façon, elle va rentrer dans cette idée-là. Elle est toujours obsédée par cette ombre blanche. Et au bout d'un moment, elle va tomber sur une réplique de sa baraque d'enfance dans laquelle elle va pouvoir rentrer. Il y a des petites séquences d'histoire où elle va revivre son passé. Elle va incarner également un enfant à un moment donné. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Et à l'arrivée à la fin de l'acte 1, elle tue Némésis et elle arrive à envoyer un signal à Astra en leur disant « Venez me sauver, s'il vous plaît ». Et là, c'est vraiment la cinématique en mode « Votre vie en quelques secondes ». Ouais, c'est ça, ouais. Parce que c'est tout accéléré. Elle revient sur Terre, tout se passe bien. C'est fait de manière assez subtile. Alors bon, j'imagine qu'il y a des raisons d'économie, etc. Mais en gros, c'est expliqué avec elle qui est en train de jouer au piano. On voit juste des mains qui jouent au piano. Et ses mains, elles vieillissent un peu au fur et à mesure. On voit que le temps passe comme ça, avec des effets de météo qui changent, de journée qui passe. Mais il n'y a pas énormément de choses. Bref, on comprend juste qu'à la fin... elle meurt. Parce qu'elle est vieille. Hein, exactement. Et elle se fait enterrer. Le problème, c'est qu'à la séquence où on voit à travers ses yeux où elle tombe dans la tombe, littéralement, en fait, c'est pas la fin. Elle revient sur Atropos pour le deuxième acte. C'est le retour, effectivement, le fameux Returnal. Et en fait, c'est à ce moment-là, si on l'avait pas encore compris, qu'on réalise que tout ça se passe un petit peu dans la tête de Sélène. En fait, elle a pas vraiment fait de voyage dans l'espace. Elle est plutôt bloquée dans une espèce de tourment comme ça qui l'enferme sur cette fameuse planète, sur cette planète qu'elle s'imagine. Et justement, en parcourant le deuxième acte, on va pouvoir vraiment comprendre de quoi il s'agit au fur et à mesure de nos découvertes. Oui, parce que l'objectif, là, ça va vraiment être de... quand on finit le jeu, l'acte 2, on tombe sur une bagnole, en fait, qui vraiment nous remet complètement dans une époque complètement différente que ce qu'on s'imagine être celle de Returnal au début. On ne peut pas y rentrer encore, on devra chercher les clés. On voit une première fin où on a quand même des indices sur ce qui s'est passé. On voit un accident, une bagnole, on a beaucoup d'infos qui d'un coup se débloquent. En fait, pour donner peut-être un peu de précision, en fait, on voit donc Sélène qui est en train de conduire avec un enfant à l'arrière, qu'on comprend que cet enfant c'est Helios, et en fait Sélène roule de nuit comme ça, elle écoute un peu de musique, et elle arrive à un pont devant ce pont, et il y a un cosmonaute qui est en train d'illuminer la route, un cosmonaute qu'on a vu plusieurs fois, les motifs, la forêt, le cosmonaute, c'est des choses que le jeu nous imprime ça un petit peu sur la rétine au fur et à mesure des boucles, et en fait pour éviter le cosmonaute, elle fait un gros coup de volant, et elle tombe dans le fleuve, dans le fleuve et en fait elle coule et malheureusement en fait elle n'arrive pas à sauver l'enfant qui est derrière elle et du coup on imagine qu'elle s'en sort mais malheureusement pas l'enfant. Ça c'est un petit peu le truc et du coup on commence à dire il y a peut-être une sorte de traumatisme un peu derrière, explication, tout se passe dans sa tête. Ça l'a peut-être un peu marqué. Ouais. Et il y a une fin cachée entre guillemets où vous allez devoir faire un truc absolument passionnant à base de trouver des fragments d'une pièce, morceaux de la pièce de clé. C'est pas très drôle parce qu'en plus comme il y a une part de hasard avec la génération procédurale, ça peut prendre un certain temps, sachant que le dernier fragment est caché, donc c'est une salle où c'est un truc caché que tu peux à peine voir. Faut sauter dans le vide un peu Indiana Jones pour se rendre compte que ça fonctionne. Ou lire un wiki. Ou regarder mes guides. Ou lire un wiki, effectivement. Et là, en fait, on trouve la clé à la fin et on a même une rencontre avec une espèce de créature un peu dégueulasse dans un fauteuil roulant, une sorte de femme enceinte. On se rend compte que c'est la mère de Sélène, parce qu'on le sait, elle a eu aussi beaucoup de mal avec sa propre mère. Ouais. Oui, tu m'étonnes pour qu'elle l'imagine comme étant une espèce d'alien. Ouais, ça devait pas être ça. C'était pas une maman gentille. Et donc, c'est ça, en fait, la vraie histoire. C'est que, en gros, Returnal, ça se passe dans la tête de Sélène. C'est vraiment sa psyché qui est matérialisée d'Atropos avec tous ses défis, tous ses traumas qu'elle va revivre en boucle pour essayer de faire face à sa culpabilité. Sachant que à la fin, il n'y a pas de faire face à la culpabilité. Non, elle est tout le temps enfermée. C'est vraiment pas un jeu qui finit. C'est pas un jeu genre, ça y est, j'ai affronté toutes les épreuves et à la fin, ça y est, j'affronte mon trauma. Non, non, tu restes toujours bloqué sur Returnal. Il n'y a pas moyen de changer l'ordre des choses. On peut comprendre, en fait, que l'astronaute, c'est une sorte... En fait, c'est Sélène aussi, l'astronaute. Et peut-être même ses ambitions, en fait, de devenir astronaute parce que sa mère voulait être astronaute, mais elle n'a pas pu. Et en fait, j'ai l'impression que, tu sais, il y a un moment dans une séquence où on lit un texte comme quoi elle a été refusée, Sélène, à l'astronaute. Donc, en fait, elle n'a jamais été astronaute. C'est peut-être l'obsession de devenir astronaute qui il a un peu obnubilé, et du coup, c'est ça qui aurait peut-être causé l'accident, en fait. Et d'ailleurs, la dernière séquence, quand on rencontre la mère, on vit la séquence de l'accident, mais du point de vue du cosmonaute sur le pont, tu vois, comme si, justement, ses ambitions avaient provoqué l'accident, tu vois. Pour moi, en fait, cette espèce de mise en scène du cosmonaute et de la voiture, en fait, c'est une sorte de métaphorisation de son conflit interne entre ses désirs de devenir astronaute et... Maxime, il nous regarde avec un regard, il n'est pas convaincu. Ah non, pas du tout. C'est juste, moi, quand j'ai joué, j'avais rien capté. Attendez. Et même depuis, oui, on a vu un peu, mais je repense même quand j'ai joué, tu vois, au moins déjà le fait de comprendre qu'il y a Selene, qu'il y a une mère et qu'il y a un troisième perso qui est l'enfant, déjà rien que ça, moi, j'étais pas sûr quand j'avais terminé le jeu. Ah non, mais c'est pas en jouant. Ah non, c'est clairement en regardant des vidéos, etc. Il n'y a pas une explication claire en mode voici ce qui s'est passé, installez-vous. Non. Moi, j'ai compris tout ça justement parce qu'il y a un article qui est vraiment très cool. Si vous lisez l'anglais, vous cherchez sur internet Game as a Mind, une explication psychanalytique de Returnal qui est assez passionnante en fait, parce que c'est vraiment, ils ont repris tous les principes fondamentaux de la psychanalyse, hein, donc si vous avez lu du Jung ou du Freud, enfin nous je sais que c'était au programme du bac de philo à l'époque, nous aussi, donc j'imagine que vous avez quand même quelques petites notions, où ils reprennent ces notions de l'inconscient, du subconscient en gros, qui renvoie un petit peu des choses en permanence, de l'ego, hein, ce qu'on appelle le moi, etc. Oui, le ça, le moi et le surmoi, qui est une espèce de version idéalisée. Exactement. Et en gros, ils expliquent dans cet article que tout dans le jeu peut être amené à un truc analytique avec les mécanismes d'autodéfense du cerveau qui sont les ennemis, avec Atropos qui est, c'est en grec, ça veut dire, c'est une des tisseuses du destin, que Hyperion, c'est son père, enfin tu vois, il y a tout un tas de trucs de relations conflictuelles avec la mère, etc. Il y a des refs à la mythologie grecque qui permettent très premier degré, qui permettent de tisser un peu le schéma familial et de voir un peu les relations entre les persos. Et après, il y a ce truc d'analepsie, mais en même temps, sans même connaître, c'est quand même assez premier degré, parce qu'il y a littéralement, donc on voit cette scène où elle tombe dans le fleuve, et en fait la fin du jeu, c'est s'enfoncer dans l'eau pour aller confronter le trauma final, en fait, qui était enfoui sous toutes les fameuses couches et tout. Et au fond du fleuve, il y a la bagnole. Exactement, donc tu vois, c'est quand même assez premier degré. Il y a juste ce truc de cosmonaute et tout auquel tu peux être un peu perdu, et c'est là justement que cette fameuse idée entre le moi, qui est donc Selene, et le surmoi, qui est cette version du cosmonaute, qui viendrait se confronter, et en fait le trauma sera la source de ça, et finalement la culpabilité fait naître ce monde intérieur dans lequel elle est prisonnière. Et c'est une démarche qu'on connaît déjà, le fait de représenter visuellement des choses qui sont en fait intérieures, des conflits ou des sentiments, quelque chose, des traumas là, en l'occurrence. Bon, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, ça peut être au cinéma. Moi je vais pas les citer, mais je peux citer 4 jeux qui font ça, dont au moins 2 qui sont très connus, mais c'est des twists, donc forcément je vais pas le faire, mais en termes de démarche, tu vois, c'est quelque chose. Sinon, sans même parler de twists, il y a la série Persona, par exemple, Persona 5, où on va dans des palaces mentaux des personnes, et en fait, il y a une matérialisation de leur monde intérieur, et là aussi, ça fait des refs à Jung, etc. Psychonauts aussi, où là, c'est carrément l'objectif, parce que tu joues un petit gamin qui est capable de voyager dans l'esprit des gens, et donc tu vas découvrir un petit peu leur monde intérieur. Mais ça, c'est vraiment le parti pris, c'est le propos du jeu. Oui, c'est ça. Alors mais ça permet de ne pas faire de spoil. Alors que là, le jeu, c'est vrai que c'est quand même caché, c'est-à-dire qu'au début, vraiment, tu dis, ok, civilisation, machin, on est sur un truc alien, en plus, bon, ça ressemble vraiment. Enfin, moi, la première fois que j'ai vu des images du jeu, j'ai pensé au film là, c'est Prometheus. Le sci-fi horror. Exactement. Et c'est vrai qu'on peut totalement rentrer premier degré, voilà, le vaisseau, etc. Mais en fait, une fois qu'on a ces clés de lecture, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a notamment ce petit détail, à chaque fois que vous quittez le vaisseau, c'est marqué attention, Helios abandonne, vous avez abandonné Helios. Et en fait, c'est ça, c'est vous avez abandonné l'enfant, mais toi, tu penses que c'est le vaisseau au début. Donc il y a plein de petits motifs comme ça dont ils se sont servis pour pouvoir nouer toute l'histoire qu'ils voulaient raconter, et ils sont pas mal débrouillés là-dessus. Sachant qu'il y a plein de petits indices, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu commences à découvrir, quand tu fais les séquences de la maison, tu débloques en général des artefacts, et tu débloques une montre d'enfant, un jouet, la petite peluche, la fameuse statue du cosmonaute, enfin, pas mal de petites choses comme ça qui rapidement, puis même quand tu vois la maison, de toute façon, te dis... Pour moi, symboliquement, on voit ce que ça veut dire. Quoi. Au début, moi, j'étais planète alien, je suis un peu curieux, parce que même le fait qu'il y ait des versions de toi, tu peux dire c'est une time loop ou un truc comme ça peut être expliqué avec les codes de l'ASF. Par contre, j'ai vu la maison, je fais ok, c'est dans sa tête. Ouais, moi aussi, c'est vrai que, pareil, moi, dès que j'ai vu la maison, je fais ok, d'accord, on est dans une. En fait, il y a un délire qui est en train de se mélanger. Le purgatoire, le retour. Ouais, voilà. Mais en fait, c'est littéralement un purgatoire, en fait. La planète est un purgatoire, puisque elle est coincée dans ce truc-là, et encore une fois, on ne s'en sort pas. Donc, voilà, pas de fin, il y a pas de happy ending hein, dans ce jeu, hein, t'es bloqué avec ton boulette hell, hein, c'est boulette bien. Balai. Boulette balai, voilà. Boulette balai. Pas d'ascension au paradis après tous ces cercles de l'enfer. Exactement. Sachant qu'en plus, ils ont même rajouté un DLC là récemment qui est gratos, que je vous recommande vraiment si vous avez kiffé le gameplay de base, la tour de Sisyphe, où bon, bah, parce comme que son nom l'indique. Voilà, Sisyphe, allez, on continue le cycle absurde parce que voilà. Vous avez encore d'autres personnes avec des cycles, d'autres motifs, allez, envoyez-moi. Ouais. Bah, c'est ça, hein, c'est vraiment la même idée où on va juste monter comme ça dans des niveaux en boucle en essayant. Là, pour le coup, c'est plus pour développer l'histoire entre la relation entre Selene et sa mère. Mm-hmm. Mais encore une fois, c'est pareil, il n'y a pas de happy ending ni quoi que ce soit. Elle n'arrive pas à se séparer justement de sa mère et du poids qu'elle a représenté là-dessus. Donc voilà, c'est un jeu happy ending. Hein, oui, ça fait plaisir. On est bien, on est bien. On est bien tout du long, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai lu une interview de Evie Koronen, une narrative designer, et bon, bah, Housemarque, jusque-là, il faisait pas vraiment d'histoire, hein, c'était plutôt simple, c'était, bah, on a dit, il y a des zombies, ça peut être de l'espace, voilà, c'était pour habiller un petit peu, du coup, les shooters, les chemins qu'ils allaient faire. Bah, ils cherchent un peu encore, du coup, enfin, il y a eu une question, c'est, on est qui, tu vois, qui est-ce qu'on est en tant que raconteur d'histoire ou quoi, c'est la première fois qu'on fait vraiment ça, donc ils ont cherché un petit peu leur identité. Là, avec Returnal, du coup, bah, ils sont partis un petit peu, donc ils vont citer Cosmic Horror, Sci-Fi Horror, ce genre de courant, et David Lynch, parce que c'est David facile. Dès que tu fais une histoire qui va pas du point A au C en passant par B, c'est David Lynch. S'il y a une métaphore à un moment de psyché, c'est bon, c'est David Lynch. Si t'as pas compris à la fin, c'est David Lynch. c'est la ref. Et sachant que c'est intéressant, elle a bossé chez Remedy, et notamment Control, parce que bah, ils sont aussi finlandais, hein. Mm-hmm. Elle a fait un petit burn-out entre les deux, évidemment, parce que c'est aussi ça, l'industrie du jeu vidéo, on l'a déjà cité, mais on peut retrouver une certaine patte, même si c'est pas elle vraiment la lead narrative designer. Bon, chez Control, on l'a cité, il y avait ce qu'ils appelaient le New Weird, qui était, ouais, bah, du coup, de mettre de l'étrange dans le quotidien, hein, de mémoire, c'était un petit peu ça. Mais voilà, on voit que Housemarque, bon, aujourd'hui, ils ont pris cette direction avec Returnal. Est-ce que c'est ça qui va devenir leur identité? On saura peut-être un jour. Le challenge aussi, ça a été forcément bah, de raconter une histoire en roguelite. On le sait, c'est toujours un peu une difficulté. Et justement, voilà, cette fameuse boucle, ça va être leur outil pour pouvoir essayer de nous raconter une histoire. Alors, du coup, c'est vraiment, comme on le disait, hein, le roguelite est intégré à la narration, puisque voilà, Selene, elle va croiser ses anciens cadavres qui sont là. Elle va même pouvoir récupérer des choses sur eux, que ce soit des armes ou des objets, des trucs comme ça. En fait, elle-même, elle nous explique qu'elle est dans une boucle et tout. Donc, le principe roguelite, il a été traité. C'est-à-dire que c'est pas comme beaucoup de jeux indés où c'est genre, on recommence et bah voilà, oui, that's it. Là, il y a une nanomachine. Voilà, c'est ça. Là, il y a quand même une façon, tu sens qu'ils avaient envie de traiter ça directement. Et puis après, il a fallu voir bah, comment narrer littéralement ce récit. Donc, on l'a dit, ça passe par ces phases-là dans la fameuse maison qu'on va pouvoir revenir. Ou d'ailleurs, il y a vraiment un changement de caméra. On l'a peut-être pas dit, mais c'est en vue à la première personne, comme ça. Ça rappelle totalement Pity. Voilà, hein, je pense que la ref. Ouais. On le voyait dans les trailers d'ailleurs, enfin dans la com du jeu au début, on savait pas que ça allait être un roguelite. Et bon, bah, on se disait, est-ce que c'est un walking sim, c'est un truc de boucle temporelle à la Pity. On s'attendait peut-être à un jeu d'horreur. Voilà, c'était assez mystérieux. Mmh. En plus, t'as même tous les petits ressorts à base de dès que tu te retournes ou que t'es hors champ, il y a un petit bruit qui va t'attirer l'œil. T'es arrivé machin, à un endroit, peur. Tu ouvres cette porte-ci, il y a une lumière qui s'est activée derrière et tout. Même si, bon, globalement, c'est pas Pity. Hein. Moi, j'ai pas eu peur comme dans Pity. Au début, c'est un peu oppressant éventuellement, mais après, tu comprends que ça va pas t'arriver grand chose. C'est juste, bon, il y a un cosmonaute qui te regarde, il y a un mec, le monsieur creepy qui te regarde de l'extérieur de la fenêtre, tu es là, bon, ok. Le cosmonaute qu'on peut apercevoir parfois en jeu. Oui, j'ai vu ça hier. Alors, je l'ai vu une fois, moi, c'était dans les salles où tu débloques justement le petit astronaute, et je me suis dit peut-être qu'il apparaît à ces moments-là. Il était genre sur une pierre ou un arbre, je sais plus. Et quand tu regardes ailleurs et que tu re-regardes, il a disparu. Ça fait penser un peu à ce qu'avaient fait les gens de Batman Arkham avec le Joker. Tu sais, parfois on voyait un panneau, on le voyait affiché. En fait, tu re-regardais, il était disparu. Il y a aussi, évidemment, comme dans tout bon triple A qui se respecte, des audiologues, des monologues, c'est Selene qui se raconte elle-même ce qu'elle raconte, qui se répond même à elle-même à travers les audiologues, hein, puisqu'elle s'enregistre en train de se dire, voilà, je commence à comprendre, je me sens pas bien, machin et tout, enfin elle raconte un peu ça. Elle passe vraiment par toutes les phases, hein. Il y a certains audiologues où on sent que la Selene de cette boucle-là a complètement perdu pied avec la réalité et le reste, et sinon elle va aussi trouver en fait ce qu'ils appellent les xénoglyphes, donc ces espèces de stèles sur lesquelles il y a des des morceaux, des fragments de l'or, ouais, voilà. Alien, et plus quoi. On va en découvrir, plus on va pouvoir lire des informations dessus et du coup, ben, en apprendre un petit peu plus sur l'univers, parce que c'est des références à double sens en permanence. Hein. Ça fait référence au jeu, enfin à l'univers premier degré du jeu et à ce qui se passe réellement. Y a aussi les salles là, qu'ils appellent les archives ou les bibliothèques, je sais plus exactement. C'est comme ça qu'ils essaient de nous raconter. Alors au début, on croit que c'est l'histoire justement de l'ancienne civilisation. Ouais. On se dit, ok, ils construisaient des trucs. Et en fait, sur le deuxième acte, on voit que les choses qui sont symbolisées, en fait, c'est Sélène, c'est le cosmonaute, c'est ces trucs-là. Donc en fait, on voit vraiment, encore une fois, cette espèce de passage entre on croit que c'est une civilisation extraterrestre à en fait, tout se passe dans ma tête et c'est des motifs personnels qu'on a croisés dans la maison, etc., qui sont reproduits à travers ces archives. Et du coup, voilà, ils arrivent un petit peu à ficeler cette narration avec des outils assez classiques, quoi. Bah, c'est ça, mais on voit quand même que la manière dont ils vont transmettre l'histoire, tu sens du coup les contraintes en fait, du roguelike, quoi, puisque bah, ça va être tu vas mourir, tu vas reprendre, il y a de la génération procédurale, donc les niveaux seront différents, les ennemis, enfin l'agencement des salles, les ennemis vont être différents, et du coup bah, ils ont fait le parti pris de mettre donc, une petite cinématique à chaque fois qu'on meurt, parce que ça va être la seule constante en fait, vraiment d'un point de vue narratif qu'on va avoir dans un roguelike, et des morceaux qui vont disséminer ici là tout ce qui a été cité, bah, tu vas les trouver un peu aléatoirement, ou à part la maison, ça va être au moins une fois en tout cas dans certaines zones, dans la zone de la toute première quand t'es vraiment sur Atropos côté jungle, tu peux l'avoir qu'une fois à un endroit spécifique. Donc ils se sont dit voilà, on va éclater en fait l'histoire et on va mettre les morceaux un petit peu sur le chemin où on sait que les gens pourront passer, quoi. Oui, c'est ça, c'est vraiment un jeu avec une histoire morcelée, on va reconstituer le puzzle et en fait ils nous donnent la clé pour tout comprendre vraiment qu'à la toute fin, donc ça permet de revoir un petit peu le truc. Et notamment il y a tout un délire autour de la musique, il y a plein de motifs qu'on va entendre régulièrement. Alors la musique du jeu, moi je la trouve vraiment très très cool, et il y a notamment régulièrement on va entendre des petites notes qui sont extraites. Alors ça je l'ai appris plus tard parce que je connaissais le morceau, mais ça me serait pas venu en tête, donc de Don't Fear the Reaper de Blue Oyster Cult. J'espère que j'ai bien prononcé, qui était en fait la musique qu'elle écoutait dans à la radio au moment où elle est morte. Et du coup ben, au moment où elle est morte d'ailleurs, l'heure de la radio, enfin l'heure 8h36 ou ouais, un truc comme ça, voilà. C'est un chiffre qui va revenir régulièrement dans le jeu. Enfin il y a beaucoup de trucs comme ça, et notamment ben, ce morceau de musique, il va y avoir des notes qui sont reprises, et ça mène tout ce fameux niveau 4 là, le premier biome de l'acte 2 avec la montée vers Hyperion, enfin qui est vraiment un niveau que j'ai trouvé assez incroyable. C'est de loin je pense leur plus grosse réussite, et du coup voilà, ça m'avait beaucoup fait penser à ce qui se passe également. C'est un niveau un peu musical en fait, hein, puisqu'il y a la musique qui monte derrière, et ils utilisent ce morceau vraiment pour faire monter un petit peu en puissance le niveau. Et c'est vraiment un des procédés qui est un des trucs les plus intéressants, limite. On se disait qu'on voit pas souvent ça dans le jeu vidéo, des jeux vidéo qui vont aller chercher des morceaux, mais vraiment des morceaux qui existent, et s'en servir comme d'un outil narratif, d'ambiance, comme on peut le voir au cinéma. Je pense à Tarantino qui va limite, il fait des scènes pour illustrer des morceaux, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas si souvent. Plus que, enfin, même si c'est narratif, c'est vrai que ça manque un peu d'assumer une musique où tu dis, comme tu as dit, pour créer une émotion, c'est pour ça que c'est narratif, mais pas narratif dans le sens pour créer forcément du sens ou lier ça à l'histoire, mais juste tu tapes un délire en fait, où tu te dis on va mettre telle musique pour assumer vraiment une émotion, un truc. Bon, là en l'occurrence avec Returnal, il y a quand même cette notion, tu as dit Don't Fear the Reaper, la radio ça renvoie à quelque chose, mais quand tu montes la tour, bon, il y a juste de la musique d'or qui monte, et en fait c'est cool, il n'y a pas besoin vraiment de justification, de choses, ça marche juste en tant que ça. Si t'as pas la référence derrière et que tu sais pas exactement ce que ça a mis, c'est pas grave, en fait. Il y a le motif du piano et tout, donc tu sais que c'est un personnage important. Enfin, on peut se dire que c'est son père, tu vois, si tu sais que c'est Hyperion, machin, tu sais. Donc il y a quand même il y a une symbolistique qui peut être utilisée. Mais la musique de l'or, juste le fait qu'il y ait une musique qui soit juste de plus en plus forte quand tu montes, ça marche. C'est bien. Ce qui fait penser d'ailleurs au niveau musical dans Control, qui avait aussi été fait, qui était très très cool aussi. No spoil, mais c'était très bien. On a parlé de la narration, ça c'est quelque chose qui est disséminé dans le jeu, mais concrètement, le cœur du jeu, on l'avait dit, c'est Game is King, parce que Returnal, c'est un jeu vraiment pur arcade, et on va essayer de revenir dessus un petit peu comment ils s'en sont sortis, justement pour faire un TPS, parce que comme on l'a dit, il n'y avait aucune référence, et ils ont dû faire des choix pour s'en sortir. Alors on peut commencer peut-être de manière très basique avec vraiment les déplacements du personnage. Moi, le premier truc qui m'a surpris en jouant à Returnal, c'est vraiment la vitesse de déplacement de Sélène. Je crois que j'avais jamais joué un TPS aussi rapide, quand elle se met à courir, elle fait des enjambées. Bolt, hein. Ouais. C'est vraiment, elle court, elle sprint, c'est génial, hein. C'est super agréable. Il y a quand même un choix de petite animation quand tu fais un demi-tour, tu vois, c'est pas non plus Mario ou un jeu, je sais pas, Platinum, où là, tu sais, il n'y a pas d'animation, je crois, de demi-tour de mémoire, je sais plus vraiment. Mais, j'ai un doute, mais si, il fait des espèces, enfin, si tu penses à Vanquish, il fait des espèces de petits saltos, machin, mais c'est extrêmement rapide. Ouais. Alors que là, il y a quand même, hein, si tu sprints dans une direction, ensuite tu vas dans l'autre, bon, ça prend une petite demi-seconde, il y a pire ralentissement, mais tout le reste, ouais, clairement, c'est... Ouais, c'est très, très vite, ouais. Les sauts, ils ont une inertie, bon, elle est vraiment sur la planète Atropos, donc bon, ça peut justifier comme ça, mais il y a un feeling qui est pas du tout, enfin, on est à l'antithèse, par exemple, d'un Gears of War, où on a un personnage qui est extrêmement lourd, ouais, et tout, ouais. Là, on est complètement à l'opposé. Il y a pas de mise en couverture, d'ailleurs. Non, effectivement, pas du tout de couverture dans ce délire-là. On parlait de l'aide à la visée un peu plus tôt, c'est vrai qu'elle est extrêmement généreuse, parce que justement, encore une fois, c'est un jeu où on va pouvoir se déplacer très très rapidement, et du coup la visée, elle est pas aussi posée que comme si on était justement dans un cover shooter où on allait devoir viser la tête, etc. Là, on a notre réticule de visée qui a autour de lui un gros cadre, et en fait, globalement, tout ce qui est dans le cadre, ça touche. Et même en dehors, parfois, et même en dehors du cadre, il y a un petit peu des petites boulettes comme ça qui font des petits virages. Mais parce que ce serait trop frustrant, comme on dit, se déplacer, c'est important, et t'as certaines armes, ça peut être le pompe, ou ça peut être le truc à poison, de toute façon, vous allez avoir un catalogue détaillé de toutes les armes de Benoît très bientôt, mais en fait, comme t'as qu'un seul coup quasiment que tu peux mettre, ou qui est judicieux de mettre à un moment où t'es en train de sauter, ou t'es après un grappin, bon, c'est bien qu'il t'aide un petit peu, quoi. Il y a le dash aussi, on a parlé, hein, qui était le move un peu signature de Housemarque, donc voilà, il y a ce truc qui va nous permettre de faire un petit dash, littéralement, et d'esquiver, ou alors même de passer à on travers est invincible certain... pendant le dash. Ouais, exactement, et puis il y a le fameux grappin qu'on va débloquer après, à la fin du deuxième niveau, et lui qui nous permet de grappiner littéralement, on et sur des grosses distances, hein. On est aussi invincible, ouais, ouais, ouais. Et c'est alors là, pour le coup, ils se sont vraiment lâchés, parce qu'effectivement, en termes de distance, enfin, tu peux dans le niveau 3 qui est du coup la citadelle, où tu vas vraiment avoir des espaces qui sont extrêmement éloignés, bah tu peux quand même le faire, et en plus, enfin, c'est très libre, c'est à dire que tu peux annuler ton mouvement à tout moment et pour continuer ton saut, et tu gardes ton inertie, donc tu peux continuer de te déplacer très très vite et réatterrir quelques centaines de mètres plus loin, ou tu peux choisir de changer de direction et regrappiner ailleurs pour faire des virages à 90 comme ça. Bon, j'espère qu'elle a l'estomac bien attaché, parce que vraiment là, voilà, en termes de physique, c'est pas possible, ça ne marche pas, mais c'est ultra agréable, hein, parce que en plus, c'est pareil, comme il y a l'aide à la visée, il suffit que vous regardiez vaguement dans la direction de l'icône là où vous du voulez grappin, aller, l'icône et du c'est grappin, bon, pareil, elle peut y aller. Il y a même pas vraiment besoin de viser, en fait, l'endroit où tu veux grappiner, c'est un truc. Bah, encore une fois, je parle de Batman Arkham, mais c'est un peu pareil, c'est une icône qui apparaît, et hop, tu sais que tu peux y aller directement. Ça peut mener à un ou deux petits couacs, parce que c'est le même bouton pour grappiner ou ramasser un objet au sol, et moi, ça m'est arrivé quand même de vouloir ramasser un objet et pouf, elle part, tu vois. Tu fais non, la vie. Heureusement que tu meurs pas pendant que t'es en grappin. On peut parler des armes aussi, puisque bah, c'est aussi important de faire un gros travail sur les armes. On l'a dit, Benoît nous a fait une liste. Non, mais je me les ai tirées. Alors, la tier liste des armes, selon c'est un shooter, et il y a des armes quand même variées et plutôt cool, hein, dans l'ensemble. Bah ouais, non, mais j'ai trouvé que justement, le weapon design, c'est un truc que j'aime bien dans ce genre de jeu, et je trouve qu'ils ont fait un boulot cool, parce que bon, bah, t'as la trinité classique, tu vois, avec un petit pistolet, un fusil à pompe, une mitraillette pour avoir plus de balles. Et un sniper. Et tu as également un sniper, voilà, t'as les trucs un peu classiques, mais ils ont fait des armes qui sont plutôt sympas. Tu vois, j'avais noté, bon, l'électrobaliseur, hein, qui est vraiment dans ma tier list, qui est assez haut, où tu vas planter des sortes de. Bah, des pics électriques. Dès qu'ils sont reliés, il y a un arc électrique et ça fait des dégâts sur la durée. C'est d'une violence sans nom. Il y a la même chose avec le poison que toi t'as beaucoup aimé. J'ai oublié son nom là. Je sais pas. En plus, je joue en anglais, c'est un mot que je connais pas. Ouais, c'est bizarre. Et d'ailleurs, qui fonctionne comme un arc. Hein. Y a, oui, il faut intégrer, c'est ça. Il faut tendre quelque chose pour vraiment viser tout droit, ou alors il y a un petit peu de droit. Mais comme globalement, ça. T'as pas trop besoin de t'en servir. C'est assez léger, mais il y a quand même ce petit pattern là qui différencie, je trouve, l'arme. Et sachant que c'est un coup par un coup. Tu peux en avoir deux, mais oui. Et après, de toute façon, il y a les modificateurs. Ça peut aller très très loin. Bon, il y a un lance-roquette aussi. Et surtout, il y en a une que j'ai trouvé vraiment originale, parce que je me souviens pas avoir vu une arme comme ça dans un autre jeu vidéo. C'est le Vassal de l'effroi. J'ai noté le nom, c'est pour ça que je l'avais écrit. C'est celle où, en gros, au départ, vous avez que 3 projectiles, et en fait, quand vous touchez quelque chose, le projectile revient. Et donc vous devez jouer avec ces 3 projectiles, ce qui fait que si vous visez bien, vous avez une cadence de tir qui est absolument incroyable avec seulement 3 machins, et elle augmente à mesure que vous vous rapprochez de votre cible. Et à l'inverse, si vous vous ratez, ça punit c'est non-stop. C'est l'âge de God of War, ça. Ils se sont dit, on va prendre le Léviathan, on le met dans un flingue, et puis hop, c'est parti. Ça pourrait être un peu une ref, mais c'était pas sorti, donc non. C'était pas sorti entre temps. God of War, ça, quand même, ça fait un petit moment. Ouais, qui est un peu avant. God of War, c'est 2017 ou 2018. Ah oui, c'est vrai. Non, mais en vrai, je pense pas que ce soit la ref, mais oui. Mais qui a un bruit très cool en termes de sound design. Un petit bruit de cristaux, un peu. Le sound design du jeu, enfin vraiment, si vous êtes sensible à ça, ils ont fait un boulot là-dessus que je trouve top, même au niveau des armes. Toutes les armes sont fun à utiliser. Bon, le shotgun reste, je trouve, très en retrait à cause de sa portée. Bah oui, parce que ça joue. C'est un jeu quand même où tu vas être beaucoup à distance. Il y a même des boss où on en reparlera un peu plus tard. C'est pas jouable avec le shotgun. Bah d'ailleurs, comme tu le disais, le vassal de l'effroi, il est aussi voilà, à mi-distance, ça va, mais dès que t'as des trucs un peu loin ou des cibles aériennes, et c'est des projectiles, donc si tu les rates parce qu'ils sont en train de bouger, comme tu as dit, tu vas attendre bien entre 3-5 secondes avant que ça revienne. Quoi. Donc, c'est... Et tu me donnes ma transition incroyable pour parler justement des modificateurs d'armes qui sont en fait vraiment le truc important que le jeu n'explique absolument pas. Ça, c'est vraiment un aspect que j'ai trouvé dommage. Typiquement, moi j'aurais adoré que le jeu nous donne accès à une sorte de petit bouquin, tu vois, où tu puisses regarder, alors telle arme, j'ai débloqué tel modificateur, l'autre je suis à X%, parce qu'en gros c'est vraiment on débloque des modificateurs au fur et à mesure qu'on utilise une arme. Je sais pas, vous allez avoir le fait que quand vous faites une recharge parfaite avec votre pistolet, il y a des missiles qui s'en vont automatiquement à tête chercheuse, et vous allez pouvoir débloquer des niveaux 1, 2, 3, 4, je crois que ça va jusqu'à 6 ou 7, donc c'est quand même ça, très justement long. C'est un des trucs qui va s'étaler sur l'ensemble des parties, c'est la métaprogression avec l'éther éventuellement qu'on peut dépenser, qui permet lui de débloquer de nouvelles reliques qui encore une fois permettent de modifier certaines choses dans notre comportement de jeu, mais sinon c'est ça. Et si j'en parle, c'est parce que vraiment on a pas du tout le même nombre d'heures de jeu avec les deux autres loulous. Moi j'ai joué presque 80 heures et du coup j'ai des armes qui sont extrêmement évoluées et c'est plus du tout la même chose. Enfin moi typiquement mon pistolet, ça fait des années, enfin ça fait très longtemps que ce pistolet là maintenant c'est une machine à tuer, parce que j'envoie des missiles partout, parce qu'il y a des rayons laser, parce qu'il y a des machins, enfin ça, tu peux transformer carrément ton arme, mais le jeu ne met pas ça suffisamment en avant à mon sens pour te donner envie, tu vois, pour te dire, ça c'est une belle carotte, tu vas commencer à t'amuser. Parce que typiquement, il y a une arme dont j'ai pas parlé là, qui est la traque évidée, qui est cette espèce de mitraillette avec énormément de munitions, qui au début te paraît faible comme pas possible, et qui en réalité est à mon sens l'arme la plus puissante du jeu, parce qu'il y a des améliorations dessus qui sont complètement craquées, quoi. On peut parler aussi du choix qu'ils ont fait par rapport à ces munitions, c'est-à-dire que c'est un jeu à rechargement automatique, c'est-à-dire qu'on va vider ses balles et après l'arme se recharge toute seule, on va pas devoir récupérer des munitions par terre. Truc intéressant, c'est qu'ils ont intégré la fameuse mécanique de Gears of War, ils l'ont un peu repris, cette mécanique de rechargement où justement au lieu d'attendre que tout se remplisse, on va avoir une toute petite jauge avec un petit curseur qui va se déplacer sur une barre, et si on arrive à appuyer sur le bouton de rechargement ou c'est le bouton de tir, je crois, au bon moment, quand le petit curseur passe au milieu de la barre, on va pouvoir recharger directement, avoir tout de suite sa jauge de balles qui est pleine, et ça va nous permettre, même parfois, ça permet de faire plus de dégâts ou de trucs comme ça, mais surtout de recharger beaucoup plus vite sur certaines armes. Sachant que même si t'as pas vidé ton chargeur et qu'après tu vas faire autre chose, au bout de, je sais pas, je dirais 5 secondes, l'arme va quand même se recharger automatiquement. Oui, elle se recharge automatiquement au fur et à mesure. En fait, c'est que ça se recharge pas d'un coup, ça se recharge graduellement comme ça. Du coup, c'est intéressant de faire c'est la mécanique de surcharge, c'est la surcharge qui permet d'exploiter ça. Et petite note que je trouvais super intéressante, c'est que les nombres de munitions sont sur le viseur, sur le pointeur, et ce qui permet justement d'avoir tout le temps conscience de où on en est par rapport à notre chargement de munitions, parce qu'encore une fois c'est un jeu où ça se passe très vite, on est souvent en train de regarder là où on vise, et c'est vrai que si c'était en bas à gauche, en tout petit quelque part sous la vie, je pense qu'on se serait plus casse-gueule en fait ce truc de rechargement. Là ils le mettent vraiment au centre de notre regard, et je pense que c'est une bonne idée, je trouve, en termes d'UI pour nous aider. Merci Half-Life 2. Oui, c'est vrai qu'Half-Life 2 fait ça. Ouais, mais bon, c'est plus propre, c'est mieux là, en fait dans Half-Life 2 c'est moins capital de le savoir, puis t'as pas de mécanique de recharge ou quoi, mais et c'est un truc qui avait été mis aussi dans Portal où tu voyais la couleur des portails que tu utilisais sur le viseur, mais l'idée de mettre ça au niveau du viseur, mais là, ce qui m'avait marqué, c'est comme il y a cette mécanique de rechargement, dans Gears of War, c'était pas comme ça. Gears of War, justement, c'était en haut à gauche. Fallait regarder en haut à gauche. Alors que là, ça vient soutenir cette mécanique de rechargement. Et du coup, on l'avait noté plus tard sur notre conducteur, mais je pense qu'on peut en parler maintenant, parce qu'on est en train de voir un peu comment ils ont modernisé leur vision de l'arcade. Et cette mécanique de surcharge, elle est associée à une autre petite mécanique qui s'appelle l'adrénaline, où là, c'est vraiment leur façon à eux de nous rappeler qu'on est dans un jeu Get Good, où il faut jouer bien pour être récompensé, parce que si tu ne te fais pas toucher et que tu enchaînes les ennemis, tu vas monter des jauges d'adrénaline, et typiquement le premier niveau que tu débloques, c'est le fait que la taille de la jauge pour faire la surcharge, elle est doublée, donc t'as t'as beaucoup plus de chances de réussir ta surcharge et d'y arriver, parce qu'évidemment, chaque arme a un rythme différent, etc. Mais le jeu, en fait, nous pousse de manière assez naturelle de ce côté-là à nous dépasser et à faire en sorte de bien jouer, parce que les bonus liés à l'adrénaline, typiquement le bonus 5, ça double les bonus d'argent qu'on récupère, ouais. Là, les obols, forcément, ça va changer complètement la donne une fois que tu vas te retrouver face à une boutique, quoi. En fait, c'est littéralement un combo, c'est-à-dire, puisque vraiment à l'arcade, c'est-à-dire qu'il faut toucher le plus d'ennemis sans se faire toucher soi, et ça va permettre d'être de plus en plus fort. Donc il y a vraiment une philosophie comme ça de se dire, très vite tu comprends, tu dis faut vraiment pas que je me fasse toucher, non. Vaut mieux ne pas faire de dégâts pendant un petit moment et fuir plutôt que de dire vas-y je prends un risque pour faire des dégâts, parce qu'en fait tu vas perdre toute ton adrénaline. Donc du coup il y a vraiment ce truc là. Et d'ailleurs, petite mécanique aussi qui est intéressante, c'est quand t'atteins le niveau 5, tu peux te faire toucher une fois et tu redescends, ouais, pas t'as le droit directement à un petit bonus, voilà, de bouclier, ce qui fait d'ailleurs que les objets boucliers font partie des plus importants à récupérer, ouais. Clairement. Et du coup, c'est ça. C'est vraiment c'est l'écran de score, comme tu le dis, ou de combo, comme on avait dans les vieux shmup. Et je repense à Ikaruga, qui a un système de combo où il faut enchaîner des ennemis dans un certain ordre pour pouvoir gagner du score. Ça, c'est bien parce que c'est adapté à du gameplay plus moderne. C'est-à-dire qu'on a le score, il va exister dans les défis quotidiens, mais on s'en fiche dans le jeu de base, en fait. C'est juste qu'on est récompensé par une vraie évolution de notre gameplay et par un avantage. Mais bon, par contre, le revers de la médaille, c'est que si tu te fais toucher, c'est foutu, il faut recommencer de zéro à chaque fois. Tu repères un petit peu. Et justement, en parlant de se faire toucher, on peut parler des fameuses boulettes, du fameux balai qui va se passer. Parce que là aussi, il a fallu faire des choix pour vraiment avoir une bonne lisibilité. Là, c'est vraiment l'enjeu principal. Quand on est sur du top-down ou sur un shooter 2D façon Ikaruga, la lisibilité a priori, il n'y a pas de problème. Là, ils ont dû trouver des solutions pour que ça puisse bien se passer, pour qu'on puisse vraiment lire ce qui se passe, les patterns d'attaque et des boules qui arrivent. Donc déjà, le premier outil, c'est la couleur, tout simplement, puisqu'il y a des boules de couleurs différentes. Il y a les bleus, les rouges et les violettes, et orange plutôt que rouge. Tu peux avoir des vertes aussi sur un des boss. Oui, c'est vrai. Il y a des couleurs qui vont changer en fonction du niveau, mais tu as quand même des indications très rapidement du danger. Qui représente chaque type de boulette, quoi. Et puis surtout, on se posait la question, on disait tiens, qu'est-ce qu'elles font les oranges, qu'est-ce qu'elles font de plus que les bleus. Et en fait, on s'est dit, pour la lisibilité, si un boss fait deux patterns de boulettes en même temps, c'est-à-dire qu'il y en a, je sais pas, il y en a une qui va faire une espèce de mur devant et il y en a une autre forme de pattern qui va être juste une propulsion comme ça de quelques boulettes qui t'arrivent. En fait, si on les met de la même couleur pour la lisibilité, ça va être un problème, on va pas arriver à bien lire les choses correctement, alors que si on met deux couleurs différentes, on peut tout de suite intérioriser que ok, il y a deux patterns, donc je dois jouer sur deux tableaux. Donc pour la lecture et vraiment pour la charge cognitive du jeu, c'est vraiment important, et là-dessus ils ont fait un travail qui est vraiment superbe, quoi. Sachant qu'à ça ils rajoutent aussi des rayons, parce que ça aussi, oui. Pour la lecture c'est important, il peut combiner boulettes et rayons, ça peut être des rayons, soit une espèce de rayon laser, je sais pas, il va tourner sur lui-même, ou des cercles, ça c'est le grand classique. Ouais, les cercles concentriques. Entre 1 et 3 cercles qui va s'étendre, et il va falloir soit dasher à travers ou passer au-dessus en fonction. Parce que les angles, ils peuvent changer aussi en fonction de s'ils le balancent sur les escaliers, ils te les mettent à l'angle. Donc il faut jongler un petit peu avec toutes ces formes et ces couleurs vont nous permettre de comprendre qu'il y a entre 1 et peut-être 4 patterns en même temps, on va bien repérer un petit peu où sont les fenêtres pour chacun. Il y a aussi les ennemis qui sont faciles à détecter parce qu'ils sont aussi lumineux, ils ont aussi des couleurs associées, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du violet, il y a ces trucs, parce que notamment dans le premier niveau, on le voit tout de suite parce qu'il fait très sombre, et les ennemis sont vraiment lumineux, c'est vraiment des sources de LED, lumière, exactement, c'est des points de LED pour te dire attention, il y a un ennemi là. Et puis il y a tout le travail sur le son qui est fait derrière pour encore une fois, là aussi, nous aider à lire. Et d'ailleurs, ils profitent de la technologie du son en 3D de la PlayStation 5. Ouais, c'est un truc que moi, j'ai découvert sur le tard, en fait, parce que ma console est branchée à ma carte de capture, donc j'ai le son stéréo classique, mais en réalité, en branchant une fois au pif mon casque directement sur la prise jack de la manette PlayStation 5, là, je me suis rendu compte que c'était vraiment un son en 3D, donc il travaille vraiment la spatialisation pour nous indiquer quand il y a des ennemis qui sont derrière nous, s'ils sont en train de nous attaquer, si on a un danger ou quoi que ce soit. Il y a vraiment des tonnes d'indications à l'écran. Il y a des sortes de petits cercles rouges autour du personnage qui nous disent attention, il y a un danger qui vient derrière. Ouais. T'as l'espèce de petite caméra là, ta GoPro qui est sur ton épaule, qui peut t'aider à t'orienter un petit peu sur les directions. Et au niveau du son, vraiment, quand tu commences à jouer là-dessus, je me suis rendu compte que je pouvais vraiment améliorer ma façon de jouer, parce que tu sais, si t'as un ennemi derrière, tu vas faire attention, tu vas te retourner. Enfin, ça t'aide énormément, je trouve, dans le flow de l'action. Moi, ça m'a vraiment frappé avec les ennemis, les espèces de, moi je les appelle les Ents, hein, tout simplement. simplement une espèce d'arbre qui peuvent te ralentir. En vrai, leur attaque, je sais pas ce qu'elle fait. Peut-être, il y a peut-être un rayon ou quoi, parce que, enfin, en général, je trouve qu'ils meurent vraiment vite. Enfin, mais sinon, ils se téléportent aussi. Ils vont disparaître devant toi et apparaître à un autre endroit. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, je sais, en fait, j'ai pas besoin de me retourner. Je sais où il est, tu vois. Je sais qu'il est à peu près à tel angle ou quoi. Donc, si j'ai un ennemi devant moi ou quoi, je sais comment me positionner en fonction de ça. Et ça, c'est là que je m'en suis vraiment rendu compte. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a pas mal d'ennemis qui se téléportent comme ça. Et du coup, le son vient contrebalancer le manque de visibilité. Sachant que le son, en plus de ça, donc on est encore dans les petites mécaniques cachées qui finalement font que ça t'aide. On a parlé de l'aide à la visée, mais il y a aussi, ils disent que si t'as un ennemi derrière toi et devant toi, ils vont accentuer le son de celui qui est derrière. Typiquement, si t'as deux ennemis, on va dire, qui font la même attaque, t'en as un devant, un derrière, et ben tu vas entendre l'attaque derrière toi, pour comme ça il t'avertit. Le jeu te fait bien comprendre que t'as une menace derrière toi. Et sinon, juste pour spatialiser les ennemis, on parlait de l'adrénaline. Le niveau 2 de l'adrénaline, c'est de pouvoir voir qu'il y a un ennemi derrière le mur à tel endroit. Il y a une petite fumée rouge en fait là, ouais, où il est. Ouais. Tu peux le voir à travers en fait les murs ou les obstacles. Et t'as aussi une minimap aussi, si jamais, qui aussi place les ennemis. Ouais, t'as les ennemis en rouge. Tu peux aussi appuyer sur ton stick droit à tout moment pour faire une espèce de gros sonar en fait, ouais, qui va t'indiquer l'emplacement des portes. Ça, c'est plus pour faciliter l'exploration, parce que comme tu te déplaces très vite, t'as envie de courir assez rapidement à la pièce suivante. Il y a toute cette UI, on l'avait dit là, autour de la tête, le son. Enfin, vraiment, le jeu est vraiment un très bon exemple, un bon cas d'école de feedback pour expliquer comment se localiser et comment surtout exploiter le son pour en faire vraiment un élément de gameplay, pour pousser les gens à réagir en fonction de ce qu'ils entendent plutôt que ce qu'ils voient. Moi, je sais que typiquement, recharger les armes, je le fais au son, je le fais pas au... Je, ouais, regarde, ouais, plus la recharge. C'est, au bout d'un moment, t'as pas besoin. Et les armes secondaires, t'as un petit tudut qui t'indique, oui, que... Et d'ailleurs, c'est un son qui monte au fur et à mesure. C'est-à-dire que les 15-20 dernières secondes, t'as une espèce de truc qui te dit c'est bientôt le truc. Donc toi, si t'es un peu en mode je suis en train de galérer, mais que l'attaque secondaire, enfin l'attaque spéciale là, pourrait te sauver, ça peut être intéressant des fois de sur le sens. Et quand de tu vises aussi sur les côtés du cadre, il y a en général une forme de barre, hein, t'as différentes formes qui se rechargent en fait, et tu peux voir à peu près à quel pourcentage de complétion c'est. Ouais. Non, mais il y a plein de... De toute façon, il y a plein d'indications, c'est vraiment un modèle du genre. Hein, c'est un jeu comme... Bon, on va revenir dessus, mais il est très exigeant. Forcément, je pense qu'il fallait pas qu'il puisse être pris à défaut là-dessus, sur la lisibilité, sur tout ce qu'il te donne. Et c'est un jeu qui te donne vraiment toutes les informations. Et c'est bien fait, franchement, c'est extrêmement propre. Enfin, là-dessus, ils s'en sont vraiment super bien sortis pour un premier TPS comme ça, Bullet Hell, et pas premier pour le studio, mais premier pour pas l'industrie, mais pas loin. Franchement, ils s'en sont vraiment bien sortis. Ça marche très très bien. Et ça marche d'autant plus qu'ils ont réussi à faire des mises en scène pour leurs boss qui sont vraiment là pour le coup. On comprend le terme de ballet. Moi, je sais que la première fois que je me suis retrouvé face à Ixion, donc qui est le boss du deuxième niveau, tu sais, il a une séquence où il t'envoie vraiment des vagues de boulettes. Il faut les esquiver, ou alors tu sais, il se met très loin et en fait, il t'envoie plein de missiles qui partent en mode macross vers toi là, et que tu vas les esquiver, ou des fois tu vas courir et tu sais, tu vois plein de missiles qui s'écrasent à côté de toi. Coucou Elden Ring. Et c'est le genre de truc vraiment qui sont, moi je trouve, magnifique. Enfin, tu vois, c'est le genre d'esthétique que je kiffe dans les jeux vidéo, quand tu arrives à esquiver les petites boulettes, les machins, et tu vois, c'est des vraies jolies vagues. Enfin, c'est des belles formes esthétiques. Ils sont beaux, quoi, les vraiment les combats. C'est assez fou. Et en plus, bon, il y a des boss, là j'ai parlé de Ixion, mais c'est pas les plus réussis. On l'avait mentionné tout à l'heure, tout le niveau qui tourne autour d'Hyperion. Enfin, c'est un niveau, moi, que j'ai trouvé vraiment extrêmement réussi. Donc c'est ce niveau 4 où tout du long on va entendre les petites musiques de piano, et quand on arrive au pied de la tour qui nous amène au boss, on va avoir la musique d'orgue qui va rapidement monter, et en fait on arrive en haut et on voit une espèce de créature dégueulasse qui est en train de jouer de l'orgue, et c'est l'orgue qui nous envoie des boulettes dans la tronche pendant qu'on est en train de lui tirer dessus. Enfin, il y a tout ce délire de mise en scène que j'ai trouvé vraiment extrêmement réussi. Et puis il y a le boss Némésis aussi qui est assez impressionnant, parce qu'il y a cette troisième phase là où le sol s'écroule et on va devoir grappiner entre les trucs, et puis quand tu le regardes, c'est spectacle son et lumière, hein, c'est bienvenu. C'est Jean-Michel Jarre. Hein. Ouais, franchement, il y en a vraiment de Mylène Farmer. Ouais, en fait, t'as vraiment SO Mylène Farmer. Je préfère Jean-Michel Jarre. Chacun son truc. Ah non, quoi ? Ben moi, ouais, j'aime bien. Je suis musique électronique. Team Mylène ici. Ouais, bref, Team Jean-Michel. Non, mais tout ça pour dire aussi. Et puis, il rajoute énormément de boulettes qui vont pas nous toucher. Qui servent à rien. Ils sont vraiment là pour le spectacle, etc. Pour vraiment, esthétiquement, il se passe quelque chose. Quelque chose qui a vraiment une tronche de jeu vidéo, mais qui a une beauté un peu très vidéoludique en fait. Parce que cette immense créature qui, en plus, il y a des petites statues sur le côté qui vont tirer dessus, mais vraiment la dernière phase, comme tu le dis, à chaque fois il y a une sorte d'explosion blanche qui t'envoie à l'autre bout du niveau et tu dois remonter, tu vois, pour te rapprocher du boss, et il envoie des énormes patterns de boulettes. C'est presque impossible de se faire toucher, à moins de vraiment de pas bouger du tout. C'est pas possible de se les prendre, c'est fait exprès pour que tu puisses de toute façon les esquiver très facilement. C'est juste, ça te donne un petit côté un peu de tension, etc. Et finalement, bah ouais, en combat, le nerf de la guerre, c'est vraiment le déplacement, en fait, plus que le tir, même si évidemment c'est important, mais avec la variété des armes, ou l'aide à la visée, ou quoi, ou l'aide un petit peu à la lisibilité, tu comprends que il faut bien te placer, bien se déplacer, c'est vraiment ça qui va déterminer l'enjeu des combats, quoi. En fait, faire des dégâts, c'est un peu le tu sais, dans la strate des choses que tu fais dans ton cerveau, et c'est juste en dessous, tu vois. Le premier niveau, c'est effectivement vraiment les déplacer et l'esquive des boulettes. Et d'ailleurs, tu te rends compte qu'il y en a la plupart des patterns, tu peux juste les esquiver en fait en strafant, en te baladant, et il y en a un pattern où tu te dis ok, celui-là je dois dasher parce que là j'ai plus le time. Mais c'est vraiment un jeu, quand tu regardes les gens bien jouer, en fait ils font globalement des petits tu fais des zigs et des zags, zigzags, et c'est comme ça que tu dois jouer, en anticipant bien justement les changements de rythme. Quand il y a un nouveau pattern qui arrive, hop, bah tu changes de direction, tu repars dans l'autre sens, et c'est vraiment globalement comme ça qu'il faut jouer. Et après, en fonction des arènes, bah tu vas tourner autour, tu vas te déplacer, ça dépend comment c'est construit, mais voilà, c'est un jeu où faut beaucoup se déplacer, mais quand même rester agressif pour avoir les niveaux d'adrénaline, essayer de garder des combos, etc., et faire des dégâts. Et ça, ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment du shmup pur et dur. Ouais. C'est-à-dire que je me souviens, quand j'en parlais en vidéo, enfin, de toute façon, si vous jouez un jour à un vieux shoot'em up, alors bon, évidemment, on cite Ikaruga parce qu'il fait partie vraiment des classiques de chez Treasure, mais en fait, souvent, tu sais, tu maintiens appuyé le bouton de tir et tu l'oublies, ce bouton de tir. Voire limite, ton vaisseau, il tire tout seul, et tout ce qui est intéressant, c'est les esquives de boulettes, c'est vraiment ces petits déplacements. Donc moi, je me souviens que je donnais ça comme conseil dans mes guides, en mode, vous tirez devant vous, de manière générale, vous cherchez pas trop, vous tirez vaguement dans la direction du boss, et après ce qui vous intéresse, c'est vraiment de vous déplacer. Il y a toute une phase d'iction où il envoie des sortes de petits des petites vagues bleues par-dessus lesquelles tu peux sauter ou dasher. En dessous il y a des patterns, et c'est vraiment ça, c'est genre du 110 mètres haut, tu vois, façon un peu jeu vidéo. Si tu tires globalement dans sa direction, de toute façon tu feras des dégâts, le jeu va t'aider. Ouais, exactement, la barre de vie, à moins que tu aies vraiment une arme qui va être chiant, mais c'est vrai que si tu as une mitraillette ou un truc comme ça, globalement tu vas faire des dégâts un peu en continu, et ce qui va dicter ta survie, c'est pas vraiment les dégâts que tu vas faire, mais plutôt ta capacité à esquiver tous les patterns. Et c'est là que la mécanique de surcharge, elle peut être à double tranchant, en fait, parce que parfois t'es un peu trop focus sur la barre de rechargement, tu vas attendre le timing, en fait pendant ce temps t'as des attaques qui arrivent et ton cerveau t'as pas réussi à accumuler les deux. C'est pour ça que c'est difficile au début, parce que tu peux il vaut mieux en fait lâcher prise sur le côté surcharge en disant c'est pas grave, il vaut mieux privilégier les déplacements, et après bah quand t'arrives à tout cumuler, là tu commences à rentrer dans le vif du sujet. Finalement c'est quand même un peu ça demande un certain skill, c'est plutôt une mécanique un peu de haut niveau, c'est-à-dire que quand tu joues sur les zones un peu les dernières zones, t'as pas trop le choix. T'as pas besoin de la maîtriser. Exactement. En vrai, moi typiquement, en général, ce que je faisais, c'est que je tire, et en fait, alors si je joue souvent l'arme au poison que je trouve meilleure, donc de toute façon il y a qu'une balle en général, t'as quand même une mécanique de surcharge. Mais si c'était à carbine ou quoi, ce que j'aimais bien faire, c'était je laisse une balle dans le chargeur. Là, c'est le moment où je me déplace, et de toute façon, l'arme va se recharger automatiquement. Donc justement, ça me permet un peu de rythmer, de poser, de mieux me positionner, de respirer un petit peu, quoi. Malgré tout cela, il y a quand même un petit chose qui vient un petit peu saper cette intensité dans les combats, c'est la partie un peu exploration, parce que mine de rien, les salles sont grandes, et surtout, c'est pas un jeu où on rentre dans la salle, on tue les ennemis, et bim, on récupère la récompense, et next step, et on recommence. En fait, c'est pas vraiment comme ça. Il y a des salles un peu slash plateforme, où on va pouvoir récupérer des petits trucs, mais surtout, même à la fin des combats, si tu veux récupérer les petites choses qui sont disséminées ici et là, que ce soit de la vie, que ce soit des calibrateurs, des trucs comme ça. Oui, ça augmente ton expertise d'armes. Que tu trouves des parasites, que tu trouves des objets, des nouvelles armes, des choses comme ça. Que tu veuilles essayer d'atteindre un coffre qui est un peu planqué, où tu vas devoir faire une petite séquence de dash et de saut. En fait, c'est un jeu dans lequel on passe pas mal de temps en fait à ne pas combattre et à plutôt se balader dans les salles, et ça c'est vrai que ça casse un petit peu le rythme. Oui, surtout qu'en plus les salles parfois tu vas avoir plusieurs portes qui vont mener à des cul-de-sac, donc il va falloir revenir, t'as quand même un système de téléportation pour pas trop abuser sur le backtracking, mais déjà bon, rien que ça, tu vois, t'as des trucs à faire. Ou si tu veux entre guillemets mettre toutes les chances de ton côté, parfois t'as pu laisser la vie de façon consciente, genre un gros truc de vie en disant je vais le récupérer plus tard, plutôt que ça augmente un petit peu ma barre maximale, ce sera plus intéressant pour moi si je suis midlife avant le boss, ou si tu as récupéré de l'argent depuis, tu vas retourner à l'endroit où tu peux acheter des objets. Donc il y a quand même des allers-retours que tu peux faire, où j'ai dit tu as plusieurs portes, bon, faut explorer quand même. Enfin, il y a quand même beaucoup de salles, tu vois, avant d'arriver au boss, avant de pouvoir le trouver éventuellement si tu le trouves pas rapidement. Oui, donc, et puis c'est intéressant malgré tout de bien tout scavenger. Enfin, je pense peut-être au niveau, quand ça fait longtemps que tu joues, peut-être que tu joues peut-être moins comme ça. Ouais. Mais moi je trouve que sur les premières heures de jeu, tu as envie d'avoir vraiment le maximum de chance de ton côté, t'as envie d'avoir récupéré le maximum soit de vie, de parasites, de machin, pour te donner le plus de chance, surtout de récupérer aussi des obols, tout simplement pour te dire peut-être que je pourrais me payer le cosmonaute pour avoir une deuxième vie, parce que c'est quand même un peu craqué, faut le dire. Donc c'est un jeu où tu passe pas mal de temps à farfouiller. Et c'est vrai que moi, ça m'a un peu surpris dans le rythme. Tu vois, je m'attendais plus à bon, bah, on fait un combat, je récupère le petit cadeau, limite, je fais un petit choix, genre, est-ce que je veux ce cadeau-ci ou ce cadeau-là, et je choisis lequel je veux. Et ensuite, next step, tu vois, parce que j'ai été matrixé par Hades dans ma tête. Ou tu peux avoir une malfonction et tu te dis, bah, plutôt que d'aller voir le boss maintenant avec la malfonction qui m'embête, je vais peut-être faire des salles que j'ai pas faites avant pour remplir la condition qui fait que j'aurai plus le truc avant, tu vois. Oui, parce qu'il y a tous ces petits trucs-là. Alors après, ils ont quand même réussi, je trouve, à mitiger entre guillemets ces trucs-là. Je sais que par exemple, la téléportation, j'aimais beaucoup le petit truc de QL, que en gros, tu orientes la minimap quand tu es sur ton truc de téléportation globalement dans la direction dans laquelle tu veux te TP, et il va choisir automatiquement le meilleur téléporteur pour toi. Et il y a aussi des indications assez claires sur ce qu'est une salle principale ou une salle annexe. En triangle, c'est tu vas récupérer des bonus, et en carré, rectangle, pardon, c'est la suite du. La minimap est bien pour ça, mais par contre, bon, bah, c'est sûr que tu peux vite passer du temps dans l'exploration. Il y a aussi ce truc que tu découvres que sur le tard quand tu rushes un peu les zones, où en fait, quand tu termines une zone et que tu vas à une nouvelle sans même avoir fait le boss ou quoi, il y a un objet calibrateur au milieu qui te donne tout de suite le niveau minimum que tu es censé avoir à ça. Alors tu te balades avec un flingue pourri, mais par contre, tu sais que la prochaine arme que tu vas trouver aura la bonne. De toute façon, quand tu joues, tu sais, tu débloques des objets et tu dois quand même retourner, tu dois toujours passer en fait un peu par la première zone. Et bah, parfois, ça va être, tu vois, pour atteindre la deuxième zone, parfois tu vas devoir traverser 5 salles et parfois tu en traverses juste une, tu vois. Ouais. Mais dès que tu arrives dans la nouvelle zone, effectivement, tu récupères le calibrateur et tu vas trouver une nouvelle arme qui est du niveau de cette zone. Mais voilà, du coup, tu passes un peu du temps à faire des choses qui sont pas forcément les plus intenses et ni les plus intéressantes, quoi. Pour moi, c'était le gros point noir du jeu, en fait, c'est de me retrouver à des moments où j'ai l'impression que ça fait 10 minutes, en fait, que je me suis pas battu, et j'ai l'impression de rouiller un petit peu, tu vois, de me dire, ah ouais, en fait, tu sais, je reprends un fight, et c'est un peu, tu sais, j'ai l'impression, j'exagère, mais que j'ai éteint le jeu et que je l'ai repris plus tard dans la journée, quoi. Donc, c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a, l'équilibre a pas été atteint à ce niveau-là, d'autant plus que bon, il y a quand même les phases narratives, en plus de ça, si tu passes par la maison, que t'es allé chercher les clés. T'as une vraie coupure dans ta run de 8 minutes, mais tu passes dans un mood totalement différent. Ton cerveau, il change de fonctionnalité parce que t'es en FPS, tu te déplaces tout doucement, tu n'interagis pas du tout de la même manière avec le système de jeu. Donc vraiment, ça crée une coupure. Tu retournes, tu fais « Ah oui, c'est vrai que je suis dans une run où il va falloir que je tire sur les ennemis. » En plus, ça, c'est un jeu qui est quand même assez difficile. Donc bon, c'est le fait de rouiller, ou en tout cas de plus avoir trop la tête au combat, d'avoir quitté un peu le flow, bon, ça peut punir, quoi. Et du coup, on peut peut-être passer un peu justement sur un certain nombre de choix qui sont assez radicaux, en fait, pour un triple A roguelite. Le premier, là, on parlait de rythme, on peut aussi parler de la longueur. Les runs sont vachement longues. Ça, c'est un truc qui surprend. C'est vrai que quand on a les standards, encore une fois, Hades, Slay the Spire, Dead Cell, ça durait assez longtemps. Dead Cell, c'est long, hein. C'est 45 minutes, 50 minutes mais souvent. Mais là, le temps de faire une zone, si tu fouilles tout bien, t'en as bien pour une bonne heure, hein, pour quand tu joues à Returnal. Et si jamais tu continues une autre zone après, ça dure une heure et demie, tu peux facilement jouer 2-3 heures si tu le fais en entier. Si tu fais toutes les zones les unes après l'autre, tu mets bien 3-4 heures à mon avis pour tout faire, hein, ce qui n'est pas du tout le cas pour un roguelite. Ouais, et encore, moi la dernière zone, j'avais fait d'une traite, en fait j'avais battu le boss numéro 4 là, et après j'ai fait tout jusqu'au boss final que j'ai eu. Ouais, c'était une longue run, hein, clairement j'ai mis du temps. Oui, parce que la zone de la neige, il n'y a pas de boss, mais par contre tu débloques en fait l'accès à l'espèce de plongée là dans le niveau de l'eau, et le niveau de l'eau, il est gros aussi, tu le finis pas en 2 secondes. Alors évidemment, bon, t'as des techniques pour aller plus vite, truc speedrun, mais quand tu joues normalement, c'est vrai que pour un roguelike, c'est assez... Ça, pour le coup, c'est, je trouve, leur choix le plus radical, plus que la difficulté, c'est de forcer les gens à être assis devant leur console pendant 2-3 heures. Il n'y a plus beaucoup de jeux qui font ça aujourd'hui, quoi. Encore 2-3 heures, c'est bon. Tu fais une run qui est quand même... T'avances, en tout cas. Oui, tu fais un niveau ou t'as peut-être fait un boss. Si tu joues 2-3 heures sans t'arrêter et que t'es sur une run, ça veut dire que tu progresses bien globalement. Normalement, t'as fait au moins un ou deux niveaux. Ouais, largement. Mais ça peut... Enfin, je veux dire, quand tu veux te faire un biome, enfin, tu veux te faire un acte complet, typiquement, là, j'ai refait le jeu en coop il n'y a pas si longtemps, on a refait tout un acte. Ouais, ça nous a pris 2h30, quoi. Ah oui, bah si tu rejoues au jeu, ouais, c'est clairement... Oui, tu peux y passer du temps parce que tu connais bien le jeu. Mais rien que tu le disais, enfin, déjà, symboliquement, pour moi, il y a quand même le palier de la demi-heure, tu vois, déjà qui passe, et bon, il y a d'autres jeux qui le font. Ça peut être Hades, ou ça peut être, vous disiez, Dead Cells, ou même dans des jeux compétitifs, hein, une partie de League of Legends, ou sinon Valorant ou quoi, ça peut durer plus de 30 minutes, mais il y a un palier qui est passé, tu vois, par rapport à d'autres jeux où tu vas faire une session de 15-20 minutes, et là, oui, c'est pas rare de faire une heure. Enfin, moi, j'ai dû faire environ en tout, j'avais fait à peu près entre 10 et 12 runs, et mon temps de jeu, c'était 12 heures, tu vois, enfin, ma run moyenne, c'était une heure, sachant que les trois premières runs, oui, a priori, elles ont dû durer 10 minutes, quelque chose comme ça. Donc en moyenne, moi, mes runs ont dû durer une heure et demie, c'est clair. Et c'est pour ça qu'on parlait un petit peu de cette mécanique, enfin pas de cette mécanique, mais de cette option de sauvegarde. Bah oui, à la sortie du jeu, c'est clair que quand tu te lances dans une run et que tu dis, tiens, je suis juste au bout, je sais pas, il faut aller faire à manger, il y a un gosse qui est en train de mener, je sais pas quoi, la vie qui te rattrape, bah tu dis, eh bah non, tu peux pas arrêter. Voilà. Alors il y avait la solution de mettre la console en veille, ça c'est une option qui fonctionnait, mais bon, bah c'est pas opti, et puis surtout ça veut dire qu'il faut pas que t'aies une coupure de courant entre les deux, quoi. Y a ça déjà, donc la longueur des runs, et pourquoi, enfin c'est quand même important d'insister là-dessus, c'est que bah, dans un roguelite, tu vois, il y a un côté un peu recommencer, on recommence un cycle. Bon, un cycle de Returnal, si ça dure une heure, moi je sais que moi, mes sessions de jeu, en général, c'est une heure et demie max. Je joue jamais bien plus que ça, ou alors je rejouerai, mais plus tard dans la journée. Et du coup, c'est sûr que quand je finis une run de Returnal, bah, je fais, bah, c'est fini, en fait, j'arrête de jouer, je vais pas relancer une autre run comme je peux le faire dans un roguelite. Slay the Spire, quand je fais une run, c'est très rarement la dernière, en général, que je gagne ou que je perde, je vais recommencer, je vais en refaire une. Et là, c'est pas du tout le cas. Et deuxième point où là, ils ont fait des choix qui sont vraiment radicaux, bah, c'est que c'est pas vraiment un roguelite, c'est vraiment un roguelike. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de progression. Il y a quoi ? Il y a l'éther, on en a parlé très brièvement, qui est une petite monnaie que tu vas accumuler en jeu et qui te permet de débloquer éventuellement des reliques que tu auras potentiellement dans tes prochaines runs. Il y a les améliorations d'armes que tu vas débloquer, là, les niveaux d'armes. Et c'est tout. Non, il y a aussi les respawns de la zone, c'est l'espèce de moule à gaufre. Oui, tu peux payer avec les reliques. Ça, c'est au cœur d'une run. Ça, c'est au cœur d'une run. Un moule à gaufre, c'est pas quelque chose. Ça coûte de l'éther. Ouais, ça te coûte de l'éther, mais c'est pas. Je veux dire, c'est pas de la méta progression, tu vois, c'est pas quelque chose. L'éther, c'est de la. C'est quelque chose que tu conserves et qui va donner une option dans un truc, tu vois, mais c'est pas le moule à gaufre pour une prochaine run, tu vas pas t'en servir, tu vois ce que je veux dire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça vient d'une ancienne run. Tu peux t'en servir parce que dans les anciennes runs. Oui, parce qu'il y a une économie comme ça. Ouais. Mais disons, moi je le considère pas comme quelque chose que je. Bah, c'est un truc que t'achètes. Hein, comme, je suis d'accord, mais t'en profites pas sur une prochaine run, c'est ça que je voulais dire du moule à gaufre. T'es pas sûr de l'avoir, quoi. Normalement, la salle de moule à gaufre, elle est toujours. Juste qu'on appelle le moule à gaufre au cas où je précise. Oui, t'as une structure où tu vois la tête d'un alien et tu peux t'enfoncer dedans pour ressusciter. J'aime bien qu'on a une discussion très très sérieuse. Le moule à gaufre, je suis désolé, mais c'est pas la méta progression. Garde, je crois, ta personne. Ouais, c'est ça. Ouais. Nanomachine. Sachant que ça, c'est mal expliqué, parce qu'en fait, donc si tu meurs, tu respawn à cet endroit-là, mais que si t'es mort dans la même zone. Moi, je l'ai acheté deux fois, et en fait, j'étais pas mort dans la zone, et tu sais, au bout de la deuxième fois, je fais, bah attends, j'ai pas compris le truc ou quoi, et je suis allé sur internet, ils ont dit, oui, mais ça marche pas dans la zone d'après. Et donc, tu disais, en fait, bon, juste pour la précision, en fait, tu récupères des objets et artefacts, les espèces de cubes, que tu vas pouvoir débloquer pour avoir plus tard, et l'éther te sert à acheter au tout début de chaque run un ou deux artefacts si t'as assez d'argent. Dans le moule à gaufre, effectivement, c'est comme ça que ta monnaie, t'as une monnaie que tu conserves et qui effectivement te facilitera peut-être ta prochaine run si tu la dépenses comme ça. C'est pour ça que quand même, factuellement, c'est du roguelite, mais c'est le plus roguelike des roguelites. Ouais, c'est ça. Il y en a un tout petit peu, mais c'est vraiment que dalle. En plus, t'as pas de suivi. Enfin, vraiment, j'insiste là-dessus. Moi, le fait de pas avoir de suivi de où j'en suis avec mes armes ou quoi que ce soit, je trouve que c'est tellement dommage parce que c'est vraiment un truc central, quoi. D'habitude, tu vois, d'avoir une espèce de vision de ta progression, le jeu, il te dit, bah voilà où t'en es, tu vas pouvoir continuer. Tu sais, t'as souvent une espèce de petit écran de fin de run qui te dit, t'as débloqué ci, t'as débloqué mi, est-ce que tu peux recommencer? Du coup, il te dit, ah tiens, si tu vas recommencer avec tel truc, ça va être plus sympa, machin. Que là. Non, et puis il y a même pas des trucs fondamentaux, genre t'es un peu plus puissant, t'as un peu plus de vie. Enfin, moi je me souviens, je finis ma première run, je fais ah ouais, c'était chaud quand même, mais bon, l'équilibrage maintenant je vais pouvoir augmenter ma vie, et c'est normal, non, tu non, vois. C'est non, juste, non, c'est juste, tu joues mieux. Voilà, c'est vraiment juste ton apprentissage des mécaniques, etc. Lui il va augmenter, c'est sûr, mais par contre, on est à total opposé d'Hades où justement tu pouvais investir pour être un peu plus puissant, avoir plus de vie. Après, je me souviens, tu débloquais les refus de la mort, tu mourrais pas une fois, tu mourrais pas deux fois, tu mourrais pas trois fois, t'avais des trucs où chaque coup tu faisais plus mal, tu récupérais de la monnaie. Enfin, il y avait plein de trucs dans Hades qui faisaient que chaque run, en fait, même si tu te viandais, elle était quand même vue comme un investissement parce que tu pouvais récupérer des choses et les réinvestir dans des systèmes et faire que la prochaine run, factuellement, elle sera plus facile, entre guillemets, parce que t'es plus puissant, globalement. Ouais, t'as bien sûr. Bah, de toute façon, il est complètement à l'opposé du spectre. Enfin, t'as vraiment Hades, bon, qui, de toute façon, on l'a cité tout au long de l'épisode. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, c'est le maître étalon du roguelite. Hein. Je pense qu'il n'y a pas vraiment photo à ce niveau-là. Et Returnal, même si c'est le premier du genre en AAA, il a fait des choix, comme on le disait, très radicaux de dire, bon, bah, la mort permanente, oui, et effectivement, vous gardez aucune progression, si ce n'est votre propre progression. Voilà, c'est ça. Ou ça, c'est vraiment l'école de l'arcade, en fait. Tu vois, c'est vraiment là que tu ressens leur philosophie. de... Ben, l'arcade, au départ, c'était ça. C'était une machine à sous qui était là pour te bouffer ton pognon. Et si tu jouais bien, tu pouvais te faire bouffer ton pognon un peu moins vite. Mmh. Et non, mais ça, c'est vraiment une philosophie, bah, comme vous le disiez, un peu guide-goût, tu vois, où il part du principe que la personne va se manger un mur, elle va un peu aller sous la fontaine et réfléchir à ses combats, réfléchir au truc. Elle va dire, oui, c'est bon, j'ai appris, j'ai débloqué. Il y a des cascades à Strasbourg, voilà. On va s'installer. C'est ça. Oui, bien sûr. Et qu'après, ils vont relancer en se disant, c'est bon, j'ai appris. Effectivement, ce cas de figure, il existe. Hein. Moi, j'ai pu voir des joueurs, des commentaires et tout. Ils vont dire, moi, j'ai enfin réussi au bout de 80 heures, je me suis acharné, mais j'ai pu le faire et tout. Et c'est le sentiment en général qu'on lit aussi aux Souls. Hein. Même si les Souls, il y a quand même beaucoup plus de fenêtres, de marge de manœuvre et de petites récompenses, de petits trucs. Mais en termes, enfin, ça n'a rien à voir. Ça dépend. C'est vraiment sur le côté boss, côté combat, voilà. les gens qui vont dont le plaisir principal sera d'avoir surmonté des défis qui n'arrivaient pas avant, voilà, il y a ce genre de plaisir. Mais c'est vrai que dans le contexte du roguelite, bah, par rapport aux autres, en fait, Returnal peut apparaître comme beaucoup plus frustrant, puisque vous le disiez, voilà, Hades, c'est le maître étalon. Après, c'est une autre philosophie, c'est que techniquement, Hades, ta première run de Hades et même tes premières runs de Hades sont beaucoup plus dures en fait que les premières runs de Returnal, parce que même théoriquement tu peux finir Hades à ta première run, mais le jeu il est pas pensé pour ça. Ouais, le jeu il est pas pensé pour que tu le termines. Voilà. Donc en fait Hades techniquement est beaucoup plus dur au début, mais tu fais le pari du roguelite en disant je vais apprécier m'améliorer à la fois mes connaissances, je vais apprendre les patterns des ennemis, je vais apprendre les trucs et je vais débloquer des choses. Et aussi, c'est là qu'en fait qu'Hades aussi tire vraiment son épingle du jeu, c'est que l'histoire, c'est une vraie progression aussi. On va progresser dans l'histoire, notre relation au personnage. Alors que Returnal, bon, si tu n'as pas le recul sur ta façon de jouer, il va juste être frustrant. Le jeu, tu vas te taper des murs, tu vas pas comprendre pourquoi, et le jeu, il va pas vraiment te tendre une main, à part éventuellement le moule à gaufre qui fera la diff ou quoi, mais c'est hyper léger. Il va tendre la main dans la gueule, quoi. Ouais, c'est tout. C'est ça. Moi, vraiment, quand j'ai commencé à jouer, c'est un jeu, il fait pas de cadeau, quoi. Non. Zéro, hein. Faut que t'apprennes à la dure, et c'est ta faute si t'es mort, et c'est tout, quoi. Et c'est vrai que ça m'a vraiment surpris, en fait, venant d'un jeu, justement, triple A, fait en exclu avec Sony, ce choix-là radical de dire, non, on fait vraiment un jeu à l'ancienne, et il faut que tu y ailles et tu te tais, sachant qu'on connaît d'autres standards, tu vois, où maintenant on a été éduqué, si t'apprécies les roguelites et tout, t'as été éduqué à avoir cette métaprogression, à avoir quand même un peu plus de carottes. Et moi j'avoue que ça m'a manqué, et vraiment pour avoir la motive de finir le jeu, je l'ai pas eu, parce que il y avait pas assez ça. Et surtout, quand je terminais une run, quand je passais une heure sur un truc et que j'avais perdu, je fais en fait c'est pas que j'ai perdu une heure, parce que c'est pas vrai, parce que j'ai quand même progressé, j'ai appris des trucs. Amusé, j'espère. Mais dans le jeu, tu vois, le jeu me disait pas, t'as pu investir ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Ouais, le jeu me donne pas ce feedback là. Et c'est vrai que en fait, à chaque fin de run de Returnal, j'avais pas envie de relancer une autre run, et je me disais, j'ai perdu une heure, il faut que je finisse pour fin du game. Comment je vais faire, moi, je vais jamais arriver. Productiviste jusqu'au bout. Mais en plus, c'est ça le pire, c'est qu'en plus, il y a ça qui est venu se mettre dans le truc, c'est de dire, il faut que tu bombardes, mais quand c'est difficile et que je fais pas de cadeau, tu fais s'il te plaît, aide-moi, j'ai des missions à faire, STP. Pour l'anecdote, c'était assez drôle, parce que quand le jeu est sorti, du coup, moi je l'avais eu en avance, on était quelques testeurs en France, à l'avoir eu. Alors on a eu le droit à la grosse discussion sur la difficulté sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez. C'est non. C'est non, les amis. Merci d'ailleurs, Julien, pour tous les abonnés que tu m'as envoyés. Et vraiment, ce qui était drôle, c'est que en fait, PlayStation avait créé un mini Discord, donc coucou aux gens que j'avais croisés là-bas, un peu privé, où il y avait tous les gens qui avaient accès au jeu, et on se dépannait entre nous. Et je me souviens qu'avec le mec de PlayStation j'ai oublié le nom, enfin PSTHC ou un truc comme ça. Ah, les gens qui font les guides des trophées. Des guides des trophées. On était tous les deux à vraiment bombarder le jeu, on kiffait de ouf, et en fait on aidait les autres gens, tu vois. On était souvent en vocal avec d'autres gens, d'autres sites, parce que tel testeur ou quoi, je vais pas donner de nom parce qu'on s'en fout, mais il galérait, tu vois. Donc il faut chercher ça, joue plutôt comme ci, joue plutôt comme mi, parce que c'est des réflexes, c'est des styles de jeu, c'est un style de jeu Returnal qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, c'est-à-dire et pas à ce niveau-là, tu vois, de production. Tu t'attends pas à ce que un jeu qui avait quand même été mis en avant comme en plus c'est un peu une vitrine technologique en plus à ce moment-là pour la PlayStation 5, parce que ça monte le SSD, ça monte le son, 3D, les retours les retours haptiques, on en a pas trop parlé. Oui, la manette, elle l'utilise bien. Ça faisait partie des trucs. Et à côté de ça, c'est un jeu, c'est bram, tu t'en prends plein la tronche. Enfin, c'est pas un jeu détente PlayStation comme peut le proposer souvent PlayStation, où ils font des expériences qui sont un peu narratives, mais en termes de gameplay, globalement, tu progresses. Tu vois, tout le monde va finir sur Uncharted, The Last of Us, les trucs comme ça. Ça va, t'avances, on te prend pas trop de murs dans la tronche. Là, c'est pas du tout ça. Et moi, ça m'étonne pas, en fait, que le jeu, peut-être plus que Demon's Souls qui est arrivé, ou peut-être même plus qu'Elden Ring qui est arrivé après, c'est celui qui a remis encore le débat sur la difficulté, parce que je pense que c'était une surprise pour le produit que c'était, pour comment il était présenté au grand public. Ouais, ouais. Quoi. Non, et en vrai, enfin, tu vois, tu as cité tout à l'heure, mais Julien Chiez, dans ce qu'il dit, c'est absolument pas déconnant. En vrai, il déplore et je comprends tout à fait qu'il n'y ait pas de mode de difficulté. Tu vois, moi, à titre personnel, j'ai absolument pas galéré sur Returnal, mais j'ai aucun souci à ce qu'il y ait un mode facile ou quoi, tu vois, parce que comme on l'a dit, le recul que ça demande, en fait, le jeu ne suggère pas les améliorations que tu pourrais faire. C'est vraiment un effort que tu dois faire de toi-même ou connaître un minimum les shooters. Tu vois, moi, les notions de déplacement, de positionnement, je les connais, ça commence à être un peu inné, tu vois, à force, mais si t'as pas ça, si tu prends pas ce recul, voilà, le jeu, il va pas t'aider. Et le jeu te l'apprend pas. Il y a pas d'ennemi qui va te l'apprendre, il y a pas de site, il va pas te mettre en situation qui va te l'apprendre. Donc, moi, je comprends que des gens se prennent des murs parce que le jeu ne se suffit pas à lui-même forcément pour bien tout te faire comprendre. Et donc, il y a un mode qui est un mode facile. Moi, je suis toujours en faveur de la métaprogression. Pour moi, vraiment, je pense que s'il y avait une métaprogression où tu recommences ta run et t'as 102 points de vie au lieu d'en avoir 100 et qu'au fur et à mesure t'en as de plus en plus et que tu deviens concrètement plus fort, pour moi, ça te donne en fait de te dire bah c'est pas grave, en fait, je suis pas arrivé, mais la prochaine, je suis plus chaud, donc je vais être encore mieux. Et ça va se coupler. Que ça va mieux se passer. C'est ça, en fait, ça va se coupler avec la progression naturelle du jeu, des maîtrises, des mécaniques, Hades, etc. quoi. Et je pense que s'ils avaient fait ce choix-là, ça aurait peut-être parlé à plus de monde, quoi, dont moi. Mais voilà, encore une fois, ils ont décidé de faire ce truc-là. Et c'est même pas un reproche, en fait. C'est vraiment c'est un choix créatif et artistique et qu'ils ont voulu tenir. Ça a tenu, mais ça a surpris des gens. Oui, il y a vraiment ce choix radical, ce côté, voilà, on l'a dit, c'est le challenge, la difficulté. Mais bon, ce qu'on peut un peu déplorer, c'est que tu vois, Hades, il a vraiment apporté quelque chose, je trouve, au roguelite, tu vois, la façon de faire de l'histoire, la façon de mesurer la progression et même le mode, bon, vous pouvez écouter l'épisode dessus, hein. Mais le mode divin qui a, donc c'est un peu entre guillemets le mode facile, et en fait c'est qu'à chaque fois que tu meurs, tu gagnes 1% de résistance, et donc en fait là où ils sont très intelligents, c'est que, parce qu'un mode invincible dans un roguelite ça aurait pas beaucoup de sens, après moi je suis toujours l'école, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais c'est à dire que dans le roguelite ou roguelite, t'es censé mourir, ça fait partie du jeu, c'est tu vas mourir, recommencer, et comme on l'a dit, voilà, soit t'es meilleur par toi-même, soit t'es meilleur parce que t'as acheté des trucs, bref. Et Hades, ils ont trouvé le bon tweak où tu vas quand même mourir, même si tu galères à fond. Et tu vas quand même apprendre de toi, tu vas apprendre ce que c'est que le cycle et tout, mais objectivement, tu vas quand même devenir plus fort. Et eux, ils sont en mode pas de mode de difficulté, enfin, il y a un côté un peu old school, tu vois, arcade, et c'est assumé de leur part. C'est ça. Mais hein. Du coup, je trouve que même si c'est le premier jeu, enfin, qui a une production value, shmup et tout, en termes de roguelite, je trouve qu'il apporte rien au genre, en vrai. Je dis pas ça méchamment, moi j'ai bien aimé le jeu, hein, globalement, mais ils ont pas eu de réflexion en fait autour du truc, tu vois, c'est ça que je déplore. Mais c'était pas leur objectif, je pense, tu vois, c'est je pense qu'ils étaient vraiment focus sur transposer un gameplay archaïque, parce qu'aujourd'hui l'arcade c'est plus quelque chose qu'on produit, je veux dire, à grande échelle, le faire dans un genre qui est beaucoup plus mainstream, qui est le TPS grand public, tu vois, avec une grosse production value, un peu de narration, etc. Je pense qu'ils se sont vraiment préoccupés que de ça, et ils se sont pas forcément tant posé de questions sur le reste, parce que ils étaient vraiment en train de défricher une terre inconnue, quoi. Donc moi je suis très content de ce jeu, parce que je l'ai complètement adoré, mais par contre toutes les reproches qu'on peut lui faire sur la difficulté, je les trouve justifié, parce que c'est effectivement un jeu qui est intransigeant et qui fait aucun cadeau à aucun moment, donc c'est forcément frustrant, malheureusement. Et le but de beaucoup de gens qui font du jeu vidéo, et a fortiori quand c'est un jeu mis en avant par PlayStation, qui est une marque, tu vois, enfin, je veux dire, leur ligne édito, c'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas des jeux qui sont complexes ou quoi, ça reste des jeux à histoire, ça reste des trucs assez easy to play, tu vois, même God of War, c'est pas si compliqué que Alors pourtant, il y a des petits pics de difficulté, mais tu peux toujours t'en sortir, et c'est très annexe, quand c'est les Valkyries, les trucs comme ça. Là, c'est vraiment le jeu, tu arrives dedans et tu dis, ah putain, c'est ça un jeu PlayStation 5, quoi. Donc il y a une espèce de... Et un truc un peu anomalie, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un ovni, clairement. Enfin, il y avait quand même Demon's Souls Remake. Hein. Oui, bon, il y avait le remake de Demon's Souls, Demon's qui était Souls, là facile. Un peu, mais qui était là un peu. Je pense que moi, je vois vraiment ça avec du recul, en me disant, PlayStation avec la 5, ils voulaient un petit peu insister auprès d'un certain public en disant, voilà, vous aimez bien qu'on vous fouette derrière les oreilles, venez chez nous, on va vous mettre des petits taquets là, tu sais, les petites gipsettes là, les petits coups, les petits schlacks comme ça. Mais voilà, c'est vraiment ça que je me dis, parce que bien sûr qu'il y a eu d'autres jeux, il y a eu Ratchet & Clank, il y avait Spider-Man, enfin, il y a peut-être tout un tas d'autres jeux, mais la PlayStation, elle a mis en avant ces jeux-là, enfin, Sony a mis en avant ces jeux-là, et tu dis, ben, ça veut dire qu'ils essayent quand même de toucher un certain public pour leur dire, voilà, vous pourrez trouver ce genre d'expérience aussi chez nous, quoi. Ouais. En tout cas, au moment où Returnal sort, Returnal Soul. Ah, c'est un nouveau, il y a la suite, ça y est. Mais au moment où Returnal sort, donc tu l'as dit, il y avait eu Miles Morales et il y avait eu Demon's Souls Remake, et là c'est la troisième exclu, et tu dis, ah ouais, quand même, tu vois, ça commence à faire beaucoup, c'est normal, bon, je reviens sur la vidéo de chez ou quoi, mais il prévient les gens, tu vois, un peu, attention, c'est une nouvelle habitude, c'est dur, j'ai pas réussi à le finir, faites attention, c'est des jeux qui coûtent 80 balles, donc quand même, d'un point de vue test, faut pas l'oublier, tu vois, il y a des gens, ça peut être leur seul achat avant pas mal de mois, donc c'est une info qu'il faut quand même faire passer, ouais. Mais au final, on peut dire que Sony a quand même été plutôt satisfait de l'opération, puisque Housemarque a été racheté par Sony assez récemment. Je crois que c'était en début de cette année, on avait dit Je pense que c'est 2021. C'était l'année dernière. Ce fact-checking incroyable. Il n'y a plus personne qui nous écoute. Moi aussi, je pense. À quelques mois après, en tout cas, il y a eu Bluepoint aussi. C'était en septembre. Voilà, c'était en septembre, et ça, c'était Bluepoint. Donc c'était un petit peu avant, je crois que c'était en juin ou un truc comme ça. C'était au milieu d'année 2021. Ça y est, ça me revient maintenant. Donc voilà, le studio qui a été racheté, Sony et PlayStation ont vraiment communiqué en mode, pour nous c'est une réussite, c'est un succès, et je pense que c'est vraiment le cas en fait, parce que clairement quand on voit d'où vient le studio et à quel point ça aurait pu ne vraiment pas prendre, qu'ils auraient pu se gaufrer, en fait ils ont quand même sorti un jeu qui a été bien reçu. Sur les ventes, ça a peut-être pas été incroyable, mais par contre je pense que le jeu remplit vachement bien son rôle, et on en parlait juste à l'instant, d'être une cartouche, un truc du catalogue Sony, et qui vient justement défendre la PlayStation 5 et venir justifier son achat, quoi. Sachant que, bon, on peut quand même aussi un petit peu tempérer le côté vente, parce qu'il y a eu le problème d'approvisionnement de la PlayStation 5 et ce petit truc qu'on appelle le Covid, qui a forcément foutu un peu la merde et qui, tu vois, brouille un petit peu les résultats tels qu'on les imaginerait dans un monde parfait où ce serait pas passé tout ça. Mais bon, voilà, c'est vrai que ça a été un pari de la part d'Housemarque et de Sony, et le fait que ça marche, j'avoue que même encore aujourd'hui, tu vois, t'as du mal à y croire, mais bon, du coup, ça va leur donner énormément d'expérience, hein. Ils l'ont dit, là, il y a eu une interview récemment qui est sortie où ils disent, bon, voilà, on a appris plein de choses avec Returnal, on est en train de travailler sur un nouveau jeu, et clairement, on va essayer d'en mettre encore plus dans le prochain, quoi. Et pour moi, ils remplissent vraiment le même rôle qu'ils remplissent depuis 2005 avec le PlayStation Network, tu vois, de dire on fournit des jeux pour l'œuf, parce que là clairement avec le PlayStation Extra qui arrive, tu vois, clairement ça vient nourrir ce catalogue de jeux auxquels tu vas pouvoir jouer directement quand t'achètes une console. Et je pense, voilà, ils se placent un peu comme ça, on en parlait un petit peu en off, on se disait c'est un peu la Ligue 2 quand même des studios Sony, c'est pas les Mastodontes, c'est pas Santa Monica, c'est pas Naughty Dog et tout, mais en revanche c'est quand même du des galon, studios, quoi. Voilà, c'est ouais, ça, voilà, des ouais. studios qui prennent du galon et qui vont proposer des expériences qui vont compter en fait dans le truc, quoi. C'est complémentaire, parce que on disait philosophie c'est challenge et tout, il y a des gens qui kiffent ça, qui vivent pour ça, et c'est ce qu'ils cherchent dans le jeu vidéo, et c'est tout à fait légitime, et qui vont peut-être pas avoir leur compte dans Horizon, dans God of War ou quoi, et du coup eux c'est sur Returnal qu'ils vont se pencher, c'est ça, c'est une niche littéralement, et du coup alimenter le catalogue pour cette niche, c'est pertinent, et du coup on va voir ce que nous ferons Housemarque. Alors nous on est prêt à se mouiller, on pense qu'il y aura des boulettes à un moment, il y aura des petites et des armes à feu. On peut prendre des risques comme ça, on est des gueudins chez FDG. YOLO. mais en termes d'ambiance, je suis curieux par contre. Est-ce qu'ils vont rester sur le côté un peu mystérieux, horreur ou quoi, ou est-ce qu'ils vont explorer d'autres trucs? Bon, ça c'est quelque chose, comme j'avais déjà évoqué, ils n'ont pas encore d'identité vraiment. Donc est-ce qu'ils vont confirmer leur identité ou montrer qu'ils peuvent faire d'autres trucs en fonction de leurs envies? Bon, ça c'est une question qui reste en suspens. Hein. Sachant que bon, il y a aussi des idées comme quoi le jeu pourrait peut-être débarquer sur PC, donc on espère que la fameuse pieuvre de fin du game fera son effet à la sortie de l'épisode, puisque du coup il y avait eu des petits des petites rumeurs par-ci par-là. De toute façon, on le sait, hein, PlayStation, ils veulent sortir de plus en plus de jeux sur le PC, et clairement c'est un jeu qui pourrait adapter à la souris. Oui. Je serais assez curieux de voir à quoi ça va ressembler. Notamment en fait quand tu prends le grappin et que tu veux faire un tourner la caméra pendant que tu prends le grappin. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ou parfois tu vas un peu à la direction opposée des ennemis. Toi, ce que tu veux faire, c'est décrocher le grappin et tirer sur un ennemi qui commence à être derrière toi. T'es un peu limité par le joystick, ça se fait, mais en fait, faut le prévoir. Ça veut dire, faut commencer à tourner le joystick dès que tu grappines. Bref, à la souris, t'aurais pas cette limite-là. Ça, c'est le joueur de FPS qui parle, évidemment. Non, non, mais je serais curieux, parce que c'est pareil, tu vois, on n'en avait pas parlé, mais les petites gâchettes, les petits machins, il y avait des petits trucs qui étaient sympas et qui exploitaient un peu la manette. Voir comment ça pourrait fonctionner sur un autre mode de contrôle, ça peut être intéressant. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici sur cet épisode de Returnal. On remercie une nouvelle fois notre sponsor, justement, on en a parlé tout au long de l'épisode, PlayStation, avec le nouveau PlayStation Plus, la nouvelle formule. Il y a 3 paliers qui sont disponibles, on vous a détaillé ça au début, dont le palier PlayStation Plus Extra, qui vous donne accès à tout ce catalogue de jeux dont fait partie Returnal. Voilà, si vous avez pécho une PlayStation 5 récemment, ça peut valoir le coup de s'inscrire là-dessus pour pouvoir profiter vraiment de pas mal de grosses cartouches de la génération générations précédentes et de cette génération. Oui, bah, en fait, les exclus PlayStation, si vous ne les aviez pas déjà faites, si vous voulez refaire Bloodborne, God of War, Spider-Man, il y a le premier Horizon, voilà, on peut faire pas mal de choses, quoi. Exactement, donc merci à eux de nous soutenir. Et puis, on vous remercie évidemment si vous faites un tour sur le Patreon après ça. Profitez bien du soleil, de vos vacances, de vos familles. Bonne canicule. Voilà, putain, oui, bonne canicule. Pour l'instant, ça va. Nous, on enregistre un petit peu plus tôt pour tout vous dire. Donc, ça va. Pour l'instant, c'est encore un petit peu tolérable. Mais il y a moyen que ça chauffe un peu plus. On se retrouve au mois d'août pour le dernier épisode de la saison. On sera toujours dans l'espace. Hein. Oui, on sera toujours dans l'espace. Mais cette fois-ci, oh là là, on part pour un space opéra. Hein, ce n'est pas un boulette ballet, c'est un space opéra. Oh, oui, on reste dans la chanson et dans la danse. Oh là là, ça va être. Mass Effect en version comédie musicale. Quand est-ce qu'on l'aura? Et voilà, donc ce sera. On vous donnera les dates sur le Discord. On va peut-être d'ailleurs le faire. On partagera les dates des épisodes qui arrivent. Merci de nous rejoindre là-dessus. À la prochaine. Salut.